that girl is killing me. That girl is killing me. That girl is killing me. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de Radio Arc-en-Ciel, ça y est, on y est, vendredi soir, donc 19h à 22h, c'est l'émission Mavrica comme tous les vendredis soirs, et aujourd'hui c'est l'édition numéro 676. Donc nous on a l'habitude dans l'émission Mavrica de recevoir toujours des artistes ici dans le studio, c'est vraiment notre plaisir, et on a reçu les Butterflies, on a reçu Mélanie Dis, on a reçu Alex de la Paix qui était venu de Paris, Modarne qui était venu de Tours, Dirty Kitten, un groupe de Tours aussi, Ripped and Tears, bah décidément encore un groupe de tour. Et très bientôt, nous allons recevoir aussi de la région de Blois, c'est Lonesome Sonic Watson le 3 avril. Et Oniris de la région orléanaise, hein, pour une fois. Donc ça sera le 10 avril, voilà pour les dates qui sont vraiment calées. Et ce soir, nous avons aussi un groupe dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ils sont déjà en place et on va découvrir tout leur univers. Depuis le début de l'émission, on a écouté plusieurs morceaux, hein, des artistes qui sont venus dans l'émission Mavrica ou pas. Il y en a certains, par exemple le premier c'était Grandé, donc avec La Petite Sirène, un groupe de, j'ai plus de nouvelles depuis un petit moment, mais bon, à l'occasion, si jamais ils se reconnaissent et puis ils ont envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il n'y a pas de souci. On a écouté Swing Camille, alors Swing Camille avec du swing comme on aime bien, du swing manouche. On n'est pas là pour se faire engueuler, un morceau repris de Boris Vian. Et Swing Camille, pourquoi? Parce qu'ils ont fait partie de l'opus numéro 1 de l'auditorium de Mavrica samedi dernier. Donc ils étaient là avec leur groupe Recto Verso. Et c'est d'ailleurs avec ce groupe-là qu'on a poursuivi avec Don't Be Afraid. À l'instant, on a écouté The Wilds avec That Girl Is Killing Me. Et encore avant, c'était Ripped and Tears, donc le groupe que nous avons reçu la semaine dernière avec leur titre Théorie. Voilà. Alors on est dans l'émission Mavrica, il va y avoir du live ce soir et on va découvrir un groupe qu'on ne connaît pas encore pour l'instant, mais je pense qu'à la fin de l'émission on aura envie d'aller les voir en concert et puis surtout il y a aussi un album à découvrir, donc on est là pour découvrir tout sur le groupe Nightfall District, un groupe de Lille. Voilà, on est dans l'émission Mavrica, on est ensemble jusqu'à 22h, donc 3 heures de bonne musique et on va pas s'ennuyer une fois de plus, donc restez avec nous, restez sur 96.2 MHz et sur www.radio-arc-en-ciel.com. Voilà, l'émission est commencée. Juste avant de retrouver nos invités, on va écouter encore un groupe, il s'appelle le groupe Wolf. Qui était venu cette année aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Sometime. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. J'étais un petit peu loin de l'affichage, c'est pas Sometime, c'est Something, voilà, tout simplement. Sometime, on en parlera peut-être tout à l'heure, justement, parce qu'on a un invité aussi qui est là dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Tout à l'heure, juste après ce morceau-là, on se retrouve dans les studios avec la petite musique de fond, et puis on va commencer cette émission. This so fine little way, I don't know why. We walk alone, my friend, on this so strange little way, I don't know why. It's so strange, little way, I don't know why. We walk alone, my friend, on this so fine, little way, I don't know why. But I feel Voilà, nous sommes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission numéro 676. Et nous accueillons donc nos invités. On va aller les rejoindre. Ils sont dans le studio. Ils sont bien impatients de prendre l'antenne. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Nightfall District. Donc, vous êtes les représentants. C'est un groupe qui a combien de personnes ? Alors, on est quatre, mais c'est une petite délégation aujourd'hui. Ouais, puisque, bah oui. Donc, moi, je suis Nox. Je suis l'auteur-compositrice principale du groupe. Je suis aussi la claviériste et la chanteuse. Et donc ici on a René. Alors René ne fait pas partie des musiciens du groupe, mais il accompagne le groupe. Il fait tout ce qui est communication. C'est la cinquième personne, quoi. C'est finalement. Ça, c'est l'homme de l'ombre. C'est la personne de l'ombre. D'accord. Donc ce soir, Nox, c'est toi qui vas représenter le groupe, hein, donc on va te poser tout plein de questions. Alors est-ce que tu peux nous présenter justement tous les membres du groupe ? Oui. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis au clavier, au chant. Après, on a Léo Julien à la guitare, qui est originaire de Champagne-Ardenne. Et puis, on a deux nordistes, forcément, vu qu'on est implanté dans le Nord actuellement. Mm-hmm. Justin Tonnel à la batterie et Antoine Van de Voorde à la basse. D'accord. Donc, voilà, c'est une formation classique, à part le clavier, qui, bon, il y a des groupes qui ont des guitares. Vous avez fait le choix d'avoir un clavier, donc c'est toi qui compose avec cet instrument-là, c'est ton instrument. Le groupe existe depuis combien de temps ? À peu près 3 ans. Je dirais qu'on a commencé à se former en fait en août 2022, mais on était vraiment au complet et on a commencé à travailler début 2023. Donc ouais, ça commence à dater. Et en même temps, le projet, on sent qu'il est encore récent parce qu'il y a plein d'échéances à venir qu'on a hâte de pouvoir franchir ensemble. Mais ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, ouais. Très bien, donc c'était juste après le Covid, parce que souvent c'est la référence, on dit ouais, il y a eu le Covid, l'avant-Covid, après le Covid, donc vous êtes un groupe post-Covid, on va dire ça comme ça. C'est vrai, mais c'est pas le Covid forcément qui... Quoique, c'est peut-être le Covid un peu qu'a joué. D'accord. En fait, de base, avec Léo, on était voisins. D'accord. Et puis après, on a rencontré Justin et Antoine, mais c'était plutôt des relations de voisinage de base. D'accord, donc deux personnes, et puis après il fallut s'entourer d'un groupe au complet, donc comment vous avez trouvé les deux autres Du coup Antoine, c'est Léo qui l'a ramené parce qu'en fait ils se connaissaient pour avoir été avant ensemble dans un groupe de métal. Alors ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'on a tous des origines différentes, ouais, musicales. Des influences différentes aussi. Ouais. Et ça fait un super mélange du coup en termes de jeu, ça permet aussi d'ouvrir beaucoup de portes. Donc les deux se connaissaient, la guitare et la basse, avant par le métal. Et d'ailleurs, notre bassiste était avant seulement guitariste, il s'est mis à la basse pour le projet. Et Justin, du coup, à la batterie, on s'est rencontrés un peu par hasard sur un forum de musiciens en postant une annonce. Et lui, il vient du punk rock. D'accord. Et comment on pourrait qualifier votre musique à vous ? Alors, difficile à qualifier. Je dirais avant tout que c'est un univers avant d'être un style, même si, de manière générique, on pourrait dire pop rock ou même un peu rock alternatif progressif. Mais la réalité, c'est que on aime bien aller chercher aussi des fois dans le blues, dans le jazz, dans le funk et même des fois dans le folk. Moi, dans ma manière d'écrire, j'ai beaucoup été aussi influencée par l'orchestre puisque je suis originaire de base d'Orléans. D'accord. Et du coup, j'ai fait du conservatoire à Fleury-les-Aubrais, et donc j'ai fait de l'orchestre pendant des années. J'adore aussi les jeux vidéo, donc les musiques de jeux vidéo, ça a influencé un petit peu le côté descriptif qu'on a dans ces musiques-là. On peut le retrouver un petit peu dans nos musiques aussi. Donc en fait, c'est de la musique qui est narrative, qui a un potentiel assez cinématographique, avant même d'être un genre musical, je dirais. D'accord. Donc moi j'ai regardé parce que moi j'aime pas qualifier les groupes, donc je leur demande souvent dans quelle catégorie ils sont. Et là je regardais dès que je mets ça sur mon lecteur, il affiche rock. Voilà. Bon, ouais, rock c'est ce sens large. Hein. C'est ça, c'est facile. Ouais. En fait c'est très large. Le rock c'est comme le métal, c'est un fourre-tout en fait. Ah oui, y a même le blues, hein, même le jazz. On dit le jazz. Ouais, mais il y a des jazz, il y a plein de jazz et plein de choses comme ça. Et puis l'important c'est que ce soit bien fait, parce que effectivement moi ma culture c'est plus le rock et tout ça, mais ça veut pas dire que je vais aimer tous les rocks. Il y a des trucs qui vont me plaire, des choses qui vont moins me plaire, donc ce qu'il faut c'est un peu piocher à droite à gauche et puis avoir son propre style, hein, c'est ce que vous avez vous. Voilà. C'est ce qu'on essaie d'avoir. Voilà, c'est ça. Très bien. On s'interdit rien, on va dire. comment naissent les morceaux? C'est toi qui t'y mets au départ, avec la musique d'abord ou les paroles? Toujours la musique en général. C'est sûr que quand on commence en fait par l'un ou par l'autre, bah on restreint le deuxième. Celui qui vient après, c'est celui qui va être restreint. Donc si on commence par le texte, la musique va être restreinte. Mmh. Et moi, je préfère garder le plus possible de degrés de liberté sur la musique en elle-même, parce que j'aime beaucoup les accords qui surprennent, des structures un petit peu originales qui vont surprendre positivement et narrativement aussi l'auditeur. Et après, en fait, une fois que la musique s'impose à moi, en général, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que ça m'évoque comme tableau? Qu'est-ce que ça dessine? Et donc, les paroles s'écrivent un peu toutes seules par rapport au tableau que la musique a peint, en fait. Très bien. Et puis, les paroles sont en anglais? Ouais. Ouais, voilà. Alors, ce qui est marrant, moi, avec l'expérience que j'ai avec tous les groupes que j'ai reçus ici, la plupart du temps, quand on commence par la musique, c'est souvent en anglais. Et quand on chante en français, c'est souvent par les paroles qu'on commence. C'est culturel. Bah oui, je pense que c'est culturel, parce qu'en France, on préfère les textes. Et il y a cette culture du texte. On le voit notamment dans les charts avec le rap, où la poésie passe d'abord. Alors que en Angleterre, le texte est important. On retrouve des très très beaux textes. Ah, il y a de très beaux textes en anglais aussi. Ça. Par exemple, Peter Doherty. Mais ils sont très mélomanes. En fait, ils aiment bien. On peut penser aussi à des groupes comme Jeff Paul Tool, qui sont très progressifs. Où en fait, la musique en elle-même est une langue pour eux, avant même le texte. Ah oui, tout à fait. Oui. De toute façon, la musicalité de la langue détermine aussi les morceaux après. Effectivement. Il y a des gens qui disent finalement, c'est un peu, si on comparait, moi je compare souvent, c'est le flamenco c'est en espagnol, le fado c'est en portugais, le blues c'est en anglais, mais il y a quand même des gens qui font du blues en français qui le font très bien, il y en a qui font du rock en français qui le font très bien. Après, il faut savoir adapter la langue par rapport à la musique qu'on fait. Mais c'est vrai que souvent dans le rock, c'est quand même l'anglais, une des langues qui vient le plus souvent, surtout que vous vous tournez vers une carrière internationale. Dans l'idéal, ouais. En plus, à Lille, c'est vrai qu'on est plutôt bien placé pour faire des ponts avec la Belgique. Il y a Belgique, mal d'artistes anglais qui viennent aussi se produire. Les Anglais, en général, il y a beaucoup d'échanges. Donc, c'est vrai que, les pays du Nord, notamment, je pense. Même si, apparemment, en Espagne, il y a aussi beaucoup de live. Donc, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'on peut viser un peu au-delà de la France, ouais, c'est sûr. Ouais, en tout cas, je vous souhaite que vous fassiez une tournée en Europe et puis aux États-Unis, pourquoi pas, et dans le monde entier. Voilà, très bien. Les morceaux, c'est d'abord une musique, c'est la musique qui te vient comme ça, et puis tu composes au piano, je suppose, au clavier. Oui, c'est ça. Alors, je suis pas guitariste, mais j'ai quand même des guitares chez moi, parce que par expérience, je trouve que ce qui vient les inspirations en fait qui peuvent venir vont aussi beaucoup être influencées par l'instrument sur lequel tout à fait, on crée. Oui. Donc il y a des réflexes au piano qui sont pas les mêmes à la guitare, et des fois j'aime bien aussi chercher, tâtonner avec un autre instrument. Je suis aussi trompettiste, donc des fois t'es multi-instrumentiste. Ouais, bon, il y en a deux que je maîtrise seulement vraiment, si on compte pas le chant. La guitare, c'est juste je touche un peu, mais ça me permet aussi d'aller chercher, de sortir en fait de ma zone de confort de pianiste, quoi. Pas avoir bien. Toujours les mêmes réflexes. Et c'est vrai, moi je pense à un groupe qui avait une particularité, c'était le groupe Keen, où il y avait un piano, ils faisaient du rock avec un piano. Et justement, c'est ce qui faisait leur succès. Et un jour, ils ont fait un album où ils ont mis des guitares, et les gens se sont pas retrouvés dans leur musique, parce que c'était leur particularité, c'était le piano, quoi. La voix, le piano. Et bon, ce qui reste, ils ont quand même fait un superbe album, mais c'est vrai que ça avait perdu un petit peu de leur essence, quoi. Voilà. Ça fait d'identité, effectivement, le choix de la formation musicale. C'est déjà une identité sonore en soi, ouais. Très bien. Donc après, les paroles viennent. Alors, les paroles, elles parlent de quoi? Ça dépend du morceau. Franchement, ça dépend du morceau. Est-ce qu'il y a par exemple, les histoires d'amour, ça, c'est un truc inépuisable, ça marche toujours. Il y en a. C'est pas forcément si évident que ça, je trouve. Enfin, en tout cas, pour ma part, d'écrire sur l'amour. Donc, c'est pas forcément le thème qui va le plus revenir. Je dirais que musicalement, l'atmosphère, elle a un côté nocturne, d'où le nom du groupe. Il y a un côté un peu planant, onirique, des fois même un peu dystopique. Dans les paroles, c'est vrai que ce qui revient aussi beaucoup, c'est quand même l'aliénation. Parce qu'on est quand même dans une société qui est pas toujours évidente. Mmh. Surtout notre génération, je pense qu'on a... Bah, c'est une génération un peu angoissée, hein, sur pas mal d'aspects. Et même par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et tout, bah il y a un aspect cathartique aussi quelque part dans le fait d'écrire là-dessus. Et il y a aussi de la mise en scène en fait. On peut écrire des histoires. Moi j'aime beaucoup écrire justement des histoires, pas forcément parler de moi directement. Ça peut être inspiré de mes expériences réelles, mais le Nightfall District, c'est une ville imaginaire dans laquelle des personnages vont évoluer et chaque chanson, c'est une histoire dans ce district, c'est un tableau. D'accord, donc j'allais justement te poser la question, Nightfall District, pourquoi ? Donc c'est une ville imaginaire dans laquelle vous avez décidé de faire toutes vos mises en scène, etc. Donc, c'est voilà. Ça, et en fait c'est même une ville à plusieurs visages. C'est une ville un peu métamorphe qui, selon les chansons, va confronter un peu les personnages face à leurs aliénations. Justement, c'est une ville qui révèle. Il y a un côté un peu presque surréaliste, surnaturel aussi dans le concept, qui va d'ailleurs avec le côté planant, onirique. C'est une ville un peu étrange, voilà, où il se passe des choses étranges. D'accord, très bien. Donc on commence à découvrir un petit peu l'atmosphère. Vos morceaux, vous avez combien de morceaux là jusqu'à présent que vous avez composés ? Alors 17. Mais il y en a une partie qu'on n'a pas encore travaillé tous ensemble avec le groupe. D'accord. C'est 17 que moi j'ai écrit, mais après forcément il y a toute une phase d'arrangement où là les membres du groupe sont très impliqués. Ils vont aussi rajouter leur patte, des fois même écrire carrément des lignes, parce que par exemple pour la batterie, moi comme je suis pas batteuse, j'aime bien écrire directement avec Justin. Lui va être inspiré différemment par rapport à son instrument, et puis il va avoir envie de faire des petits breaks, de peut-être calmer un petit peu, reprendre derrière, etc. Donc en fait souvent on parle de l'idée du morceau, et après justement, là-dessus, je trouve qu'on a un bon feeling, c'est que Justin, il arrive à voir, en fait, à traduire ça en termes de rythmique par rapport à son instrument et à créer l'ambiance, quoi, donc c'est beau. Mmh. Donc, 17 morceaux en 3 ans, donc c'est déjà bien, hein, vous avez bien travaillé. Est-ce que vous reprenez aussi des morceaux, des fois, quand on fait des concerts, des morceaux d'autres artistes ? Oui, pour le moment, oui. Dans le long terme, l'idéal, évidemment, ce serait de faire que de la compo, mais je pense qu'on commence un peu tous comme ça. C'est une manière à la fois de montrer ses influences et aussi de... je pense que les gens ont l'oreille plus facile quand ils entendent un hook qu'ils connaissent en fait, quand ils reconnaissent un refrain. Donc ça peut être pas mal au début. Donc oui, des fois on glisse un peu du Journey ou alors du David Bowie entre deux compos. Ok, justement on va parler des influences. Quelles sont les influences ? Donc tu viens de nous citer deux projets différents. C'est des influences plus actuelles ou plus anciennes ? David Bowie par exemple, c'est pas récent quoi. Ouais, c'est plus ancien, je dirais. Surtout pour les influences rock, blues, jazz, c'était tellement une belle période, en fait, les années 60, 70, 80, c'était une mine d'or, même si aujourd'hui, il y a des super choses aussi qui se font. Mais du coup, je dirais que oui, The Stranglers, David Bowie, même Michael Jackson, évidemment, parce qu'en fait, il a touché à tous les styles, lui aussi, et son côté éclectique et versatile. Il avait été chercher des guitaristes qui venaient du métal, etc., donc voilà. C'est ça, donc ça, c'est aussi super inspirant. Police, Sting, c'est aussi un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Bah déjà pour les textes en anglais. C'était un professeur de littérature avant d'être musicien, donc en fait c'est vrai qu'il écrit quand même des beaux textes, je trouve. Et puis après, oui, il y a aussi des influences plus modernes. En ce moment, j'aime bien Harry Styles dans ce qui se fait. Je trouve, alors un peu, j'accroche un peu moins à ce qu'il fait récemment, mais j'ai beaucoup aimé son album Fine Line. Je trouvais qu'il était, au niveau des sonorités et tout, il y avait un super travail de sound design dedans et de mélodie. D'accord, très bien. Donc voilà, plein d'influences différentes, avec des choses actuelles, des choses un peu plus anciennes, etc. Le groupe, on commence à découvrir un petit peu. Est-ce qu'on écoute un morceau, là, déjà, pour se mettre un petit peu, pour se rendre un petit peu compte ? Parce que parler de la musique, c'est une chose, mais l'écouter, c'est encore mieux, quoi. Allez, me prépare. C'est parti. Donc, on commence par un morceau enregistré ou comment ça se passe ? Voilà, elle a posé son casque, elle ne nous entend plus. Donc, non, c'est pas bien grave. Voilà. Nox nous avait déjà quitté là, et s'était approché de son oups, son clavier. Non, parce que moi je proposais d'envoyer un morceau enregistré. Hein, ah oui. Donc oui. Là, on ce soir, on va aussi découvrir un album. C'est un album ou un EP? C'est un EP pour le moment, d'accord. Un EP 5 titres qui a été enregistré près de Lille. Ok. Ouais, et puis bah, dans après, quel studio tu peux nous citer? Ouais. Studio. Alors on a travaillé avec deux studios. Il y a le studio CEP avec l'ingé son Frédéric Pecker qui est à Laine-les-Eaux-Bourdin et le studio Audio Blend qui est basé à Roubaix avec Jean-Philippe Failly qui a été l'ingé son de Sofiane Pamart lors de ses débuts. D'accord. Et du coup d'où le choix d'avoir travaillé avec lui pour, pour le piano, le piano et le chant. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand pianiste. Hein. C'est vrai que qui joue aussi bien avec la musique classique avec les musiques actuelles. Hein. Donc, il se marie avec... je cherche le nom de certains DJ qui l'ont repris. Ça me revient. Ento. Voilà. Ento joue avec Sofiane Pamart dans un de ses morceaux. Donc, bah, on va découvrir un premier morceau. Alors, le premier morceau s'appelle... Sales Director. Alors, je sais pas, moi je parle très mal en anglais, donc si je le dis mal, tu me reprends, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'était bon, t'inquiète. Alors, ce morceau-là, il parle de quoi? Alors, ça raconte. Alors là, pour le coup, ça va faire vraiment très Nightfall District parce qu'on est en plein dans un quartier d'affaires d'une grande mégalopole. Mmh. Et c'est l'histoire d'un businessman qui est obsédé par l'argent, par le pouvoir, et en fait, qui. Donc, il occupe la fonction de directeur commercial, le Sales Director. Et son but, ce serait de posséder, d'entrer dans l'actionnariat de l'entreprise et de devenir le partenaire majoritaire. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules, en fait. Il manipule tout le monde. Dans les couplets, en fait, on le voit évoluer. Et en fait, tous les gens qui sont en dessous de lui, ou même ses concurrents, il est agressif avec eux. Et en même temps, ça fonctionne. Parce que comme il est agressif et qu'il est bon en négociation, il remporte les contrats. On sait qu'on est dans un monde où, justement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont moins de scrupules. Ça, on le sait très bien. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, il y a un moment donné, quand même, où il va se rendre compte. Il y a une sorte de moment de flottement où il se rend compte qu'il ne sait plus qui il est dans cette course. Ouais, c'est puis, perdu. Je pense que le fait d'avoir autant d'ambition, etc., de vouloir monter, de dominer les autres, on passe à côté de certaines choses très simples de la vie de tous les jours, et c'est peut-être ce que tu as voulu dire aussi dans cette chanson. Totalement. Très bien, bah écoute, on va écouter ce morceau-là, si tu veux, après tu peux t'installer devant ton piano, et puis on part pour un morceau en live. Fais comme ça. Ok, ça marche. C'est parti, on écoute donc le premier morceau, Sales Director, avec Nightfall District. In the And I long for power. Free her on. Sometimes Voilà, on a écouté deux morceaux à la suite, hein, donc c'était pas prévu, hein, mais étant donné que j'avais quelqu'un au téléphone, bah on a fait durer un petit peu plus longtemps. Ça a donné plus de temps pour Nox de s'installer derrière son piano. Et on vient d'écouter deux morceaux à la suite, donc on a écouté Nightfall District, le groupe que nous recevons ce soir, voilà, tout simplement, hein, avec le morceau Sales Director, voilà. Et à l'instant, c'était Mapcara, un souvenir avec le fameux Sometime. Donc Mapcara, en plus, je vais vous le dire, il voulait pas qu'on vous le dise, mais il est là dans les studios. Donc c'est vrai qu'il est venu il y a quelques années très souvent dans nos studios, et ça faisait un petit moment qu'on le voyait plus. Et là, ça nous fait plaisir de le retrouver à nouveau. Mais ce soir, il est là en tant que photographe. On va quand même essayer de le faire intervenir tout à l'heure au micro. Voilà, donc on va retrouver nos invités. Le groupe Nightfall District, avec cette fois-ci Nox qui est au piano. Alors, je sais pas si tu m'entends bien. Yes. Voilà, c'est bon parce que t'as changé de place. Oh là, il y a de la réverb et tout. Hein. Un peu de réverb. Ouais. Là, on est dans une cathédrale. Ça change un petit peu le son du studio parce que. C'est pas la cathédrale d'Orléans. Ouais. Voilà. Donc, tu es en place pour interpréter un morceau en live. Yes, Foolish Minds, du coup. D'accord. Alors, il est pas sorti. Sur notre EP. Donc là, on est sur du morceau qu'on joue en live, mais pour le moment qui n'existe pas encore sur les plateformes. D'accord. Tu vas faire un seul morceau ou tu veux en enchaîner deux ? As you wish. À partir du moment où tu es en place, après, c'est très simple. Tu peux très bien interpréter un premier morceau et puis en jouer un deuxième sans aucun problème. Bon, on peut faire ça. On fait comme ça alors. Très bien. Soyons fous. Alors, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, c'est vrai qu'on doit être une des dernières émissions au monde, station de radio, à diffuser les morceaux en direct live, mais vraiment en direct. Hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'artifice. T'es juste venu avec un petit amplificateur qui fait mix au même temps, où il y a un petit peu de réverb. Parce qu'habituellement, il n'y a même pas de réverb dans l'émission Mavrika. Et ton clavier. Donc, tu vas nous interpréter un morceau en direct live. Et ce qu'on va faire, moi, je vais baisser mon micro parce que je ne sers à rien. Et je vais te laisser l'antenne pour interpréter donc deux morceaux à la suite. On fait comme ça ? C'est parti. C'est parti. You voilà, quel public, franchement, bravo en tout cas, interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, voilà, c'était une voix, un piano, et tout est là, l'émotion était là. Donc, le morceau s'appelle, tu me l'as dit tout à l'heure, mais... Foolish Mind. Ok, d'accord. Oh, bah, ça veut dire esprit, un peu esprit stupide, en fait. Ça d'accord. parle de la, des médias et de la propagande médiatique qu'on peut avoir, malheureusement, sous certains régimes qui ne sont pas libres. Et donc, en fait, c'est, on prend l'auditeur un petit peu pour un con. C'est ça, du point de vue des médias. Tu crois ? Non. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, c'est un truc imaginaire, hein. C'est pas du tout le monde dans lequel on vit. Non, pas du tout. Il faut du strict, bien sûr. Très bien. Donc, c'est un petit peu. Peut-être que cet univers-là, c'est la caricature du monde qu'on vit, ou peut-être simplement la même chose, non ? Peut-être. C'est à chacun justement de voir si ça lui rappelle des choses ou pas. D'accord, je pense qu'il y a plein de gens, dès que tu expliques un petit peu les trucs, les gens comparent par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu. Donc forcément, je suis sûr que certaines personnes se sont déjà rendues compte. Tu as parlé de propagande et aujourd'hui, des fois, l'information est remplacée par propagande, hein. On peut dire ça comme ça. Très bien. Premier morceau en direct live. Tu vas en jouer un deuxième ? Eh ben, c'est parti. Alors, ce morceau-là, il s'appelle Twisted Love. Twisted Love. Et ça parle d'un... Alors, c'est un morceau qui va illustrer la fameuse phrase « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Parce que parfois, quand on croit aimer quelqu'un, on l'aime à sa manière, mais sa manière, c'est pas forcément... la manière dont elle vit et dont elle existe vraiment. Et donc il y a des gens qui, des fois, en justifiant ça par l'amour, peuvent avoir des comportements manipulateurs vis-à-vis d'autres. Donc ça parle de ça, cette chanson. Très bien. Ça s'appelle l'amour tordu, en fait, Twisted Love. Twisted Love. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Nightfall District. Voilà, encore un moment magique dans l'émission Mavrika, en direct, live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Nightfall District, représenté par Nox en direct live, vraiment exceptionnel. Donc je te laisse revenir à ta place, parce que bon, il y a deux scènes hein, dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. On a la chance d'avoir un très beau studio et il y a la place pour mettre le micro d'un côté, et de l'autre côté c'est l'autre micro où il y a la réverb dans lequel Nox chante en direct à côté de son clavier. Voilà deux morceaux interprétés en direct live. Et bah, on va parler un petit peu de l'album là qui est sorti. Donc c'est un EP pour l'instant. Il a été enregistré il y a combien de temps? Alors il a été on l'a enregistré fin 2024, mais il est sorti en fait quand même pas mal de temps après. Bah, le temps qui est le mastering, etc. Surtout que, un premier projet, c'est pas évident, surtout pour aussi trouver notre patte sonore pour avoir le rendu qu'on veut. Donc il est sorti en fin septembre 2025, du coup. D'accord. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors pour le moment, il est seulement en version digitale, donc il est sur les plateformes. On peut le retrouver aussi sur YouTube. Il est sur Bandcamp aussi, si vous avez envie de nous soutenir, puisque Bandcamp, c'est une plateforme qui est beaucoup plus dans le soutien des artistes financièrement. Alors que c'est vrai que quand vous écoutez en général des morceaux sur Spotify, bah, le gros des revenus ne revient pas à l'artiste, malheureusement. D'accord. Donc, il y a certaines plateformes où il est préférable d'écouter les artistes locaux, quoi. Voilà. Oui, bah, c'est ça. En fait, Bandcamp, en fait, on peut directement acheter les titres qu'on peut télécharger pour les garder pour soi, etc. Sur les plateformes de streaming, il y a des plateformes qui sont plus respectueuses que d'autres, par exemple Qobuz qui est français. Mais après, c'est vrai que Spotify, et puis même Apple Music, Amazon Music, c'est le gros des revenus ne revient pas malheureusement aux artistes qui sont les détenteurs des morceaux. Voilà, bon, il y a des trucs comme ça où on a du mal à comprendre, mais c'est comme ça. Donc effectivement, il y en a certains qui se donnent du mal, etc., mais d'autres s'en mettre dans les poches, sur leur dos. Et c'est mal réparti, c'est les gros poissons qui récupèrent le gros du gâteau, en fait. Voilà. C'est Drake, c'est les gros artistes, oui, c'est ça, Billie Eilish, etc. Ouais, il y a des choses comme ça, hein. On a parlé déjà à propos, par exemple, la SACEM, etc. On est obligé de payer la SACEM quand on doit faire un concert ou quelque chose comme ça. Et finalement, l'argent ne va pas aux artistes qu'on fait jouer. Il revient à d'autres personnes. Donc, bon, il y a des trucs, des fois, ils sont pas toujours bien distribués comme ils devraient l'être. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que sont les règles de, en France, du moins. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura plus tard un CD ou un vinyle, ou ça reste comme ça? Pour le moment, je pense que ça va rester comme ça. Mais après, si on arrive à... Là, l'idée, ce serait de sortir prochainement un deuxième, peut-être, EP. Mais là, du coup, ça pourrait être intéressant parce que peut-être qu'on pourra faire une compile et la sortir cette fois en version physique. D'accord. Donc, mais on attend d'avoir un peu plus finalement de morceaux pour pouvoir faire un support physique. C'est plus sympa quand on a 10 titres, je trouve, à écouter d'un coup sur un CD ou un vinyle ou autre. Très bien. Donc... un vinyle, par exemple, c'est quelque chose que vous aimez bien, ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui ça revient de plus en plus? Par exemple, il y a des gens qui aiment bien sortir l'objet, le vinyle, même s'ils sortent des CD en plus. Vous serez partant pour un truc comme ça, ou? Bah oui, pourquoi pas. Carrément, l'idée, ce serait sur le long terme qu'on puisse le sortir dans le plus de supports possible, pour le rendre le plus accessible possible. Et c'est vrai que ça a son charme, le vinyle à l'ancienne. Voilà, je sais que ça revient de plus en plus. C'est pour ça que j'ai encore lu tout à l'heure un article où il disait que le CD, finalement, il y en a encore qui sont attachés. Mais finalement, les gens, ils aiment bien avoir un support aussi. Parce que c'est vrai qu'en streaming, etc., on télécharge, on efface, et puis on l'a pas. Quand on a un objet, on le met dans une discothèque, par exemple, et puis de temps en temps, on fouille un petit peu, et puis on dit, tiens, on va écouter tel morceau. Donc c'est quelque chose, un objet qu'on conserve, etc. Donc, très bien. Quels sont vos projets, justement? Donc il y a ce premier EP là, que vous défendez. Il va y avoir un deuxième, peut-être, dans les prochains mois, prochaines années, je ne sais pas exactement. Ce serait l'idée. Alors là, en 2026, on va beaucoup se concentrer sur le live, parce qu'on a envie justement de défendre vos morceaux. Défendre beaucoup plus les morceaux, d'accéder aussi à des plus grandes scènes. Donc on aimerait bien faire une résidence, si possible, dans la deuxième partie de l'année. Et aussi faire de la pré-production, c'est-à-dire avant d'arriver en studio, Bah, c'est bien d'anticiper en fait exactement comment on veut que le morceau sonne, et même des petits détails en fait qui se voient avec un ingé son, de petites nappes, de petits boosts en fait qui sont rajoutés par rapport à la version on va dire brute, qui vont rajouter un petit peu de peps des fois dans les refrains, ou qui vont on va dire que c'est un petit peu du gloss sur le morceau, mais ça le met vraiment en forme pour qu'après quand on va en studio, bah ça sonne du tonnerre. Et en plus là, les morceaux qu'on voudra enregistrer sont un peu plus ambitieux en termes de structure, ils sont un peu plus progressifs que ce qu'on a sorti dans le premier EP. Donc ça se réfléchit d'autant plus. Et si tout va bien, bah après en 2027, ouais, go studio à nouveau. Très bien. Est-ce que vous êtes plus un groupe de studio ou un groupe de live? Je dirais live quand même. Live. Live, les. Ah, c'est deux choses différentes. Hein. Le travail n'est pas du tout le même, mais bon, je pense qu'il est complémentaire. Il y en a qui le font très bien les deux choses. Il y en a d'autres qui préfèrent le live, d'autres plus le studio. Donc voilà. Ouais, nous, je pense peu... que nous c'est. Bah, c'est on a cet live. Esprit un peu de jam aussi avec les gars du groupe. On adore voilà faire des buffs, jammer. Donc je pense que oui, spontanément le live c'est ce qu'on préfère. Même si c'est bien évidemment pour autant de le travailler parce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais le studio, après moi j'ai bien aimé l'expérience. Dans les gars du groupe, les autres sauf Antoine à la basse, mais Léo et Julien avaient déjà. Léo et Justin, pardon, avaient déjà eux des expériences de studio. Donc, mais je sais que je pense qu'ils ont une préférence pour le live aussi. Ouais. D'accord, très bien. Donc c'est là que vous vous exprimez, c'est là que vous avez le retour du public aussi. Hein. Ça, ouais, il y a ce contact. Ça sonne pas pareil les morceaux, mais il y a cette espèce de, il y a une atmosphère en fait dans live qu'on retrouve pas en studio. Où des fois le studio c'est presque très mécanique. Par rapport au live, d'autant plus que bah là les conditions d'enregistrement, on n'était pas dans la même salle, donc on a fait partie par partie, donc ça fait bizarre de jouer sa partie tout seul sans avoir la vibe, le feeling des autres musiciens, quoi. Voilà, très bien. Donc voilà, c'est vrai que c'est deux choses vraiment différentes, mais voilà, donc, quand on fait un enregistrement, on essaie de tout peaufiner, etc. Dans le live, ça doit sortir. Voilà, c'est quelque chose de vivant, hein, le live. Ça sort à l'instant T, et puis des fois, il peut y avoir des petits couacs, des trucs comme ça, mais bon, non, ça se passe bien, il n'y a pas de couacs chez vous. Oh, si, on fait des pains, si. Je pense que tant qu'il y aura, tiens, tout à l'heure, tu c'est nous normal parles... même, ce serait presque, bah, après, ça, des fois, ça a son charme parce qu'il y a des pains. Qui sonne bien quand même. Qui sonne bien quand même. Moi, il y a par exemple, je cite souvent, c'est le fameux morceau de David Bowie repris par Nirvana sur le MTV, oui. Où il y a une note qui est complètement pas à sa place, quoi. Oui. Et il l'a fait glisser de manière, hop, et on est tellement habitué à l'écouter comme ça. Quand ils l'ont réinterprété à d'autres endroits, il y avait plus cette faute-là, et du coup, on était tellement habitués à entendre cette note-là. Mais bon, après, le live, c'est le live, hein. Et puis après, il y a des choses aussi qu'on fait pas attention. On est sur le moment, on est vraiment dans le concert, et puis on, même s'il y a un petit quoi, quoi, on passe à autre chose et ça continue, quoi. Voilà. Très bien. D'autres projets. Est-ce que vous avez, par exemple, envie de faire des clips vidéo, des choses comme ça? Alors ouais, en fait, il y en a même un qui est en train de mijoter sur le feu. D'accord. Puisqu'on a travaillé en septembre, enfin même bien avant, mais on a tourné en septembre à Lille, du coup, avec un réalisateur lillois, un premier clip sur un des morceaux de l'EP qui s'appelle The Jobless Man Blues. Et bah c'était un beau projet en fait. On a travaillé avec des personnes du monde de l'audiovisuel de la région qui travaillent beaucoup sur des séries en général, vu qu'il y a beaucoup de séries policières notamment qui sont tournées dans le Nord. D'accord. Et bah là du coup il est en fin de montage et il devrait sortir dans le printemps là 2026. Donc déjà évidemment digitalement sur les plateformes, sur YouTube. Et bah après on est en train de voir pour organiser un ciné-concert un petit peu plus tard où on fera un bord plateau et on va inviter toute l'équipe de tournage pour raconter nos meilleures anecdotes aussi. D'accord, comme ça vous faites participer plein de gens. Est-ce qu'il y a des noms à citer, parce que là tu nous as cité, oui, mais il faut, évidemment. Il faut pas hésiter à citer les Alors, personnes qui vous entourent. On a travaillé avec l'association Dick Laurent, qui est une association de production audiovisuelle de la région. Le réalisateur c'est Charles Blondel. Et on a été notamment soutenu par la région Hauts-de-France pour ce clip, par l'organisme Pictanovo. Et ça, ça nous a permis du coup d'avoir accès à des caméras de cinéma. Donc ça, c'était le luxe. C'était pas mal parce que ils font des remises quand on a ce fonds émergence. Et c'est bien que ça existe parce que ça permet de soutenir des clips de petits artistes qui n'auraient jamais le budget pour s'offrir ce genre de clip-là, quoi. Très bien, voilà, c'est une bonne initiative en tout cas, et ça vous a permis de faire des choses de qualité, donc on est en attente, ça va sortir dans combien de temps ? Eh bien là, printemps 2026, on n'a pas encore la date exacte, mais on va bientôt commencer les teasers. D'accord, très bien, donc on attend avec impatience. Un clip vidéo, il y a un EP, il y en aura un deuxième dans quelques temps, est-ce qu'il y a des concerts de programmés aussi ? Là on a fait en fait une mini tournée en début 2026. Alors surtout à Lille et ses alentours, même si du coup là on a ce passage ce soir à Orléans qui fait vraiment plaisir. Bah oui. on est plutôt pour le moment sur la fin, mais il nous reste quand même une date importante au Sarrasin à Lille, qui est un café-concert assez connu, assez réputé pour la scène alternative lilloise, le 19 avril avec un artiste folk qui s'appelle Downtown. Et après, on va avoir d'autres dates qui vont arriver dans l'année. Et je l'espère, j'aimerais beaucoup qu'on revienne ici, pourquoi pas, à Orléans, au Dropkick, notamment, pourquoi pas. Et puis aussi à Blois, parce que c'est l'idéal pour moi, vu que j'ai des grands-parents dans le Loir-et-Cher, près de Blois. Donc, on pourrait accueillir tout Nightfall District. Très bien, des projets au niveau des concerts. Donc nous, on attend les dates sur Orléans, hein. Même Blois, c'est pas loin, donc à la limite. Comment on peut être au courant justement de tous vos concerts qui vont venir ? L'idéal, c'est les réseaux. C'est les réseaux sociaux, donc vous êtes sur Facebook, Instagram. C'est surtout sur ces deux-là qu'on va le plus régulièrement en story, mettre nos dates et puis aussi en post permanent, donc... Normalement, si vous voulez rien louper, suivez-nous sur notre page Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube en attente du clip qui sortira si vous avez envie de voir. Très bien, donc on est en attente, on sait que ça sera dans bientôt. Bientôt, il y aura les teasers qui vont commencer à nous prévenir que le clip est presque prêt. Donc là, pour l'instant, toutes les captures ont été faites, c'est dans le mixage, dans le montage. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière les écrans. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ça. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que quand on voit un clip, ça dure quelques minutes. En vérité, c'est des heures et des heures de travail. Et si ça a déjà été capturé, donc maintenant, c'est sur les tables de montage, etc. Et puis, on est impatient de découvrir ce morceau en clip. Alors, ça parle de quoi ce clip-là, justement ? Est-ce que tu peux nous faire nous faire des petites révélations là en exclusivité ce soir ? Oui, carrément. En fait, ça suit un petit peu le plot de la chanson qui s'appelle donc The Jobless Man Blues, le blues du SDF en fait, c'est ça, de l'homme qui est à la rue, qui a plus de travail. C'est un personnage. Dans le clip, c'est moi qui l'incarne, mais au final. Son genre, son sexe, on s'en fiche un petit peu parce que c'est plutôt un état qui nous intéresse ici, qui du coup est en fait dans un espèce de spleen, un peu le spleen baudelairien, la mélancolie, la léthargie aussi. Il a du mal à agir, il se laisse aller en fait dans son appartement. Et plus on avance dans la chanson, plus en fait il va pas bien parce qu'il est dans le regret d'une relation amoureuse qu'il a pas digérée. Et en fait, le monde autour de lui continue de tourner et même de l'agresser parce que petit à petit, il y a le loyer qui est impayé, les factures qui s'accumulent, les amendes non réglées. Donc en fait, il reçoit des courriers, des courriers, des courriers auxquels il répond pas. C'est l'engrenage. Hein, ça commence avec un truc et puis après, ça s'accumule. C'est ça. Et à un moment donné, en fait, où s'il réagit pas, il finit par être à la rue. D'où le titre de la chanson. Et c'est un morceau, c'est le deuxième morceau que j'ai écrit. Et en fait, je l'avais écrit quand... Je devais faire un nouveau travail à Bruxelles et j'avais beaucoup de paperasses administratives à remplir et j'ai trouvé ça hyper angoissant. Donc je sais pas, je pense que ça m'a inspiré, même si ça raconte pas exactement ça l'histoire, mais il y a eu une petite inspiration à ce moment-là. Après, on comprend qu'il y a des gens, et effectivement, aujourd'hui, ils nous demandent beaucoup de choses au niveau paperasse, etc. Et il y a des gens qui sont complètement dépassés parce que c'est pas leur truc. Et puis il y en a certains qui le remplissent pas comme il faut, et du coup, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, on comprend qu'il y a des gens qui sont un peu perdus avec tout ça. Donc ça devient tellement compliqué. Ouais, c'est on, ça. On entend les photos. Je pense qu'il va y avoir une belle série de photos. Donc, c'est notre ami Miguel qui est en train de prendre des photos. C'est lui le photographe aujourd'hui. Et il nous entend pas parce qu'il est en, mais bon, on explique un petit peu parce qu'on entend le moteur de son objectif. Voilà, on va écouter un deuxième morceau de cette EP. Le morceau s'appelle Street Rats. Rat. Non, c'est ouais, si, c'est ça. C'est au singulier, voilà. Ça nous parle des rats des rues. Ouais, c'est une expression en fait en anglais pour dire vagabond, va-nu-pied. C'est un peu méprisant même, il y a un côté un peu comment on dirait, trait de misère par exemple en français. Ouais, en fait, ça, c'est l'histoire d'un marginal. Bah, ce morceau-là, il fonctionne en fait en diptyque avec 16 directeurs. D'un côté, on a le mec riche du quartier des affaires, le businessman, et de l'autre côté, on a le vagabond ou la vagabonde. Je vais pas donner de sexe ou de visage volontairement, parce que pareil, ici, c'est plus une image, un état d'esprit, en fait, que le personnage incarne, qui est obligé de voler, en fait, pour survivre, et en même temps, qui a une vision un peu cynique de la société. Très bien, on écoute tout de suite. Les hurlements du moteur

Voilà, encore une petite série musicale avec deux enregistrements. Le premier, c'était Nightfall District avec Street Rat. Et à l'instant, c'était le groupe Dérapade avec Transporteur. Le groupe Dérapade qui sera en concert. Donc, si vous avez apprécié ce morceau-là, vous avez envie de les voir sur scène. Donc, il faut venir tout simplement le samedi à l'Espace Bérère. Il y aura le groupe Dérapade pour le Mavrika Live numéro 16. Donc, il y aura deux groupes, 3 heures de rock. Il y aura donc le groupe Dérapade et ensuite... Donc Dérapade, c'est le groupe de rock crunchy, hein, Frenchy, voilà comme il se qualifie. Et ensuite, donc c'est du rock en français. Et juste après, des compositions. Et juste après, il y aura le groupe Elixir qu'on a déjà fait jouer une première fois il y a quelques années. Et donc Elixir, bah, c'est des reprises de plein de morceaux que vous connaissez, donc en français, en anglais. Donc il y a tout de pour passer une très bonne soirée. Donc c'est le samedi 7 mars à l'Espace Bérère à la Chapelle Saint-Mémin, pardon. Donc Dérapade, Elixir pour le Mavrika Live numéro 16. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Donc ce soir, c'est Nightfall District. Dans l'émission Mavrika, on va tout découvrir. Et on va aller aussi du côté du live, puisque Nox est devant son clavier et va interpréter encore un morceau. Donc ça sera le troisième en live, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tu m'entends? C'est ouais, bon? Je voilà. T'entends bien. Ah ouais, j'aime bien. Tu es dans la cathédrale, tu es dans le. On l'entend avec la réverbération. Tu vas interpréter un, deux morceaux? Comme tu veux. Comme tu veux, hein, moi, c'est ton émission, donc moi, je m'adapte. Il n'y a pas de souci. Bah, on peut partir sur deux morceaux. Ok. Alors, bah, le premier s'appelle The Jobless Man Blues, et on en a parlé juste avant, puisque c'est celui qui a été mis en clip. Et qui est en train d'être monté. D'accord, donc on attend le clip en version finale. Et en attendant, pour patienter, on va écouter le morceau en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, c'est parti, quand tu veux. Direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Là, je suis tout seul à applaudir, donc, mais j'espère que ça fait plaisir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel qui nous écoutent. Vous pouvez et applaudir aussi de votre côté du transistor. Il n'y a pas de souci. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nox est au clavier et vient nous interpréter un morceau qui s'appelle The Jobless Man Blues en direct live. Et maintenant, il va y avoir un deuxième morceau. Oui, on peut faire I Wanna Sail Among the Stars. C'est une chanson qui parle des destins, des choix de vie et aussi de l'exploration spatiale. Ça veut dire je veux naviguer parmi les étoiles. Si d'accord. Eh ben, naviguons, allons-y. Voilà, je me fais aider un petit peu quand même. Voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est voilà les moments magiques comme on aime. Alors, on doit être la dernière radio au monde à permettre aux musiciens de jouer. Et quand j'ai commencé l'émission, on a tout de suite commencé à faire des lives. Et c'est vrai que j'ai été surpris parce que finalement, les musiciens sont demandeurs. Ils aiment bien jouer en direct live. Et c'est le cas ce soir. Donc, avec beaucoup de plaisir, nous écoutons Nox au clavier. On va attendre qu'elle se revienne à sa place parce que là, elle était en position d'interpréter des morceaux en direct live. Voilà, donc ça fait 4 morceaux déjà interprétés. Est-ce qu'il y en a encore d'autres que tu pourrais interpréter d'ici la fin de l'émission? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, impeccable. Donc, prochaine série, tu nous en feras encore 2 autres, alors. Ça va, on a de la matière. Très bien. Comment ça se passe au niveau des répétitions? Vous vous répétez régulièrement, toutes les semaines En général, on répète toutes les semaines. Au studio, donc CEP, bah, c'est là aussi où on a enregistré, puisque en fait, dans le studio, il y a aussi des salles de répétition. Donc, ah ouais, d'accord. Bah, c'est pas mal parce qu'on a quand même du coup un ingé son pour nous faire les balances à chaque fois. Donc, ça, ah ouais, donc ça aide. Ça aide. Vous arrivez, vous branchez vos instruments et puis c'est bon. Ouais, c'est ça. Voilà. On fait une petite balance et puis après. D'accord, parce que des fois, il faut amener tout le matériel, etc. Aussi, quand même. Enfin, là, j'amène aussi les pieds du piano. Enfin, il y a quand même des trucs qu'on ramène. Ouais, bah, déjà là, on mais a eu du mal. Il y a beaucoup de choses sur place. Vous avez eu du mal à monter le piano à queue là qu'on a dans le studio. Hein, donc, il a fallu monter dans l'escalier. Ça a été un petit peu difficile, mais bon, on y a réussi. Hein. Voilà. Donc, c'est un piano électrique, bien entendu. Ce qui n'empêche que c'est quand même un bel instrument, un grand instrument. Alors, toi, tu fais que du piano. Ou est-ce que tu fais aussi du clavier, donc synthétiseur, des choses comme ça? Oui, en fait, maintenant, sur nos dernières performances, j'ai deux claviers. J'ai aussi un Astrolabe. L'Astrolabe, donc pas la salle d'Orléans, pas la SMAC. le clavier d'Arturia, qui est assez récent d'ailleurs, qui est une innovation technologique, puisque en fait, il permet d'avoir tous les synthétiseurs en un. Littéralement, et même des orgues aussi, puisque en fait, c'est un mini ordinateur qui possède en fait des plugins qui reproduisent donc les synthétiseurs un peu légendaires qu'on connaît, le DX7 Yamaha, le Prophet 5, les Juno, etc. Donc c'est super pratique. C'était des trucs analogiques, non? Non, parce que Prophet, je me souviens, les premiers synthétiseurs dans les années 80, il y avait le Prophet qui était sorti, c'était un truc de dingue qui valait plus cher qu'une voiture hein, à l'époque. Ouais. Là, on est plus sur du numérique, mais en fait, c'est ça qui est très très fort, c'est qu'ils ont réussi à resynthétiser les sons en version numérique. Et donc c'est bien parce qu'en fait sinon on se retrouve avec vite beaucoup de claviers si on aime bien un son du prophète, un son du DX7, etc. ou même d'un orgue. Hein. Ils avaient leur particularité, hein. C'était les sons qui étaient fabriqués avec des signaux carrés, des signaux machin. Voilà, donc c'était vraiment aujourd'hui. Maintenant, c'est numérique, hein. Donc c'est des sons qui sont enregistrés, c'est des samples. Mais à l'époque, je me souviens aussi que pour jouer sur scène avec des synthétiseurs comme ça, il y avait des boutons dans tous les sens. Donc pour retrouver les réglages, il fallait tout noter sur un papier parce qu'il y avait même pas le téléphone portable pour faire une photo. Donc il fallait vraiment retrouver les réglages et entre deux morceaux, c'était pratiquement impossible à jouer en live. Donc c'était plus des trucs de studio quand même à l'époque. Aujourd'hui, grâce au numérique, y a tous les samples. Tu appuies sur un bouton, hop, tu as la configuration que tu veux. Et donc c'est beaucoup plus pratique. Hein. Voilà, il y a une évolution aussi qui s'est faite. Donc très bien, c'est bien de nous parler de technologie parce qu'on ne sait pas. C'est vrai que ça. Moi, j'ai pas connu forcément du coup cette ancienne période. Voilà. Je parle en tant que vieux. Donc, mais c'est vrai que j'imagine que ça. Enfin, c'est une révolution. C'est une révolution dans le monde des claviers. Puis voilà, le fait aussi de pouvoir avoir les orgues aussi, les électriques pianos, enfin tout est rassemblé parce qu'en fait il y a la grande famille des synthés, il y a les orgues, les Vox Continentaux, le Hammond aussi, le Hammond B3 qui est qu'un des plus connus. Ouais. Et puis après on a tous les électriques pianos, les Rhodes, tout ça. Et en fait c'est vrai que se dire qu'on peut avoir tout ça sur un seul clavier. C'est beau. C'est vrai qu'en plus, ces sons-là, ça nous rappelle une certaine époque, parce qu'ils ont tous une coloration qui nous rappelle telle ou telle époque, et donc on revient un petit peu en arrière, et puis c'est bien, ces morceaux-là qui avaient marqué vraiment une période. Aujourd'hui, on peut se servir de ces sons-là qui sont reconnus et les utiliser dans la musique moderne, quoi. C'est bien, quoi. Ouais, et puis dans l'instrument, il y a aussi le côté plus récent, c'est-à-dire que c'est pas juste de la nostalgie et une synthèse des technologies des années précédentes, c'est qu'on a aussi pas mal de presets qui sonnent plus modernes ou qui imitent. Moi, en général, les sons que j'aime bien utiliser, ça va pas être forcément des samples, ce qu'on appelle des samples. Donc, c'est on enregistre vraiment une trompette, on enregistre vraiment un violoncelle et on attribue en fait ce son aux touches du piano. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère un petit peu vraiment le côté synthé qui va imiter l'instrument. Et ça crée justement un son un petit peu unique. Et ce qui est bien, c'est que du coup, mon deuxième clavier, en fait, je le vois comme un métamorphe. C'est-à-dire que un coup, c'est un corps d'harmonie, un coup, ça peut être des strings, ça peut être un ensemble de cordes. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'il a vraiment plein de visages possibles, en fait, dans la composition, dans la manière de l'utiliser. Et ça peut donner vraiment beaucoup d'identité à un morceau. C'est magique, hein, donc avec la technologie. Très bien. Alors, vous vous retrouvez dans la salle, vous faites les répétitions. Est-ce que c'est des répétitions très studieuses où vous bossez à fond, ou est-ce que des fois vous prenez aussi le temps de rigoler, de raconter des histoires, de boire un coup, comment ça se passe? Alors, on essaie d'être studieux quand même, parce qu'on a un temps quand même imparti, et puis forcément, quand on paye, faut quand même rentabiliser la répète. Mais après, oui, on se voit très régulièrement, même en dehors des répètes, ou souvent après la répète, c'est le rituel où on peut aller manger ensemble. Oui, maintenant que le travail est fait, c'est bon, on est satisfait. Là, on va passer un petit moment ensemble, puis continuer à prolonger un petit peu la soirée. C'est le soir, c'est l'après-midi, c'est quand vous en faites général, ça? C'est le soir en semaine. D'accord, très bien. Mais des fois aussi le week-end, ça dépend. Et c'est toutes les semaines ou c'est une fois de temps en temps ou... Dans l'idéal, on essaie de faire un peu toutes les semaines, mais on s'adapte aussi selon la disponibilité de chacun, selon les urgences aussi, parce que forcément, on va caser plus de répètes. Des fois, même ça peut arriver qu'on en mette deux dans une semaine quand on a un concert important. Il y a un concert à préparer, il y a des morceaux qui ne sont pas encore tout à fait au point, on n'a jamais joué ensemble, donc allez hop, on va travailler un peu plus. Moi, je comprends très bien. Très bien. Et combien vous avez fait de concerts depuis que le groupe existe? Ça, alors là, je sais pas. Vous avez beaucoup tourné. On en a fait quand même pas mal pour le moment. Ça a été forcément beaucoup centré sur le Nord Pas-de-Calais. Je saurais pas dire un chiffre, mais ouais, je sais pas. Ouais, une bonne dizaine. Plus, peut-être même plus. Plus, en vrai, beaucoup plus. Non, même peut-être vingtaine en vrai. Hein. Ouais. Je sais pas. Bonne question. En fait, c'est difficile. Je suis biaisée parce que je fais aussi beaucoup de dates en solo. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui peuvent pas accueillir un groupe. Donc, moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'en faire tout le temps aussi, puisque j'ai mes dates en solo à côté. Donc, en solo, c'est comment? C'est toujours Nightfall District ou c'est Nox? Je me présente plus comme Nox, mais je défends le répertoire de Nightfall District. C'est les mêmes morceaux en version acoustique, tel que je les joue là. Et puis, je fais souvent aussi des covers dans ce genre de situation, comme c'est plus des bars ou des fois même des événements privés, ça dépend. D'accord, donc ça permet d'aller dans les petites structures, pas forcément dans les grandes scènes. Dans les grandes scènes, c'est les groupes, hein, le groupe en général. Et puis, par exemple, dans un petit café ou un truc comme ça, on peut pas toujours amener le groupe au complet. On peut pas faire forcément beaucoup de bruit quand c'est un restaurant ou des choses comme ça ou un café. C'est le problème de la batterie. Ouais. Et donc, ça permet quand même de jouer dans des conditions un peu plus restreintes, un peu comme aujourd'hui dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Très bien. Est-ce que les membres du Nightfall District vont aussi voir les autres personnes en concert? Est-ce que toi, par exemple, tu y vas régulièrement? Qu'on se voit entre nous en concert? Non, est-ce que vous allez... Ou qu'on va voir des gens en concert? Est-ce que vous allez au concert, découvrir un petit peu les autres artistes? Ouais, bien sûr. En fait, c'est même super bien pour se soutenir entre nous déjà. Et puis, on fait partie en fait du réseau musical lillois et il y a un petit noyau qui est vraiment bien soudé et qui a envie d'aller loin, donc c'est vrai qu'on se soutient. Et puis même c'est super intéressant de voir comment les amis, eux ils ont progressé aussi sur leur set, regarder leurs actualités musicales, écouter leurs nouveaux morceaux. Donc ouais, c'est vrai qu'on sort souvent et chacun est curieux d'aller à ses concerts. Ouais. Donc ça peut être des groupes locaux. Est-ce que vous allez aussi voir des grands artistes, par exemple comme à Paris, ou voir des artistes internationaux? On a parlé de Sting tout à l'heure. Sting, en vrai, ouais, on a été le voir plusieurs fois à Lille. Dernièrement, on est allé voir Peter Doherty aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Peter Doherty à l'aéronef. Peter Doherty, on l'a rencontré personnellement. Ouais. À propos de Peter. Oui, c'est vrai que Peter Doherty, par exemple, l'aéronef, qui est la salle de musique actuelle de Lille, elle est plus grande que l'Astrolabe d'Orléans, donc elle permet d'accueillir des plus grands artistes. Donc récemment, Antoine, le bassiste du groupe, qui a été voir Last Train. J'ai été voir Peter Doherty. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir lui parler et même de jouer un morceau. Donc ça, c'était vraiment un bon moment. D'accord. Très bien. Vous avez parlé de Last Train. C'est un groupe que j'ai eu la chance aussi d'interviewer. Ouais. Ça fait quelques années déjà. Ils étaient venus ici à Orléans et puis on avait été dans les loges et puis on avait passé pas mal de temps avec eux. On avait diffusé l'interview. D'ailleurs, moi, je conserve tout. Donc, si je cherche bien dans mes archives, je le trouverai forcément. Et c'est vrai que ce groupe-là, au début, n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même une référence. Voilà, ça fait plaisir de voir des groupes qu'on a connus au départ et qui aujourd'hui tournent dans des scènes un peu plus grandes et tout ça, et qui arrêtent pas. En plus, c'est vraiment des vrais musiciens, quoi. En tout cas, ils sont en tournée, ils font des concerts à droite à gauche, et en plus ça marche super bien. En plus, c'est des jeunes qui font du rock, on est content aussi, hein. Ça fait plaisir, le rock n'est pas mort, et il faut quand même le dire. Très bien. On a cité pas mal d'artistes différents et tout ça. Quand vous faites vos concerts, par exemple, est-ce que les gens viennent vous voir à la fin des concerts et discutent un petit peu avec vous? Oui, ça arrive souvent. Moi, j'aime beaucoup ce moment, d'ailleurs. Je trouve que c'est important, je trouve, de rencontrer le public. C'est toujours un beau moment, en général, les échanges après le concert, ouais. Donc, les gens, ils vous disent souvent des belles choses? Oui, heureusement. En vrai, c'est important pour nous, parce que c'est du carburant, c'est ce qui nous motive aussi pour continuer, parce que il y a beaucoup de... je trouve ça pas du tout facile, en fait, d'être... en indépendant, en fait, quand on est artiste, parce que déjà, il faut investir beaucoup d'argent dedans. Beaucoup de travail, beaucoup de temps. Beaucoup de travail. Il y a un vrai sujet aussi autour de bien répartir son temps entre la création, où il faut être dans sa bulle, il faut pas avoir de trucs parasites autour. Et la communication, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce qui est médias, réseaux sociaux, on y passe beaucoup de temps. Et puis, toujours chercher des dates, le booking. En fait, c'est vrai que quand on voit des personnes qui viennent nous dire qu'ils ont bien aimé le concert après un show, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit ça met encore plus de sens. Déjà le simple fait d'écrire de la musique et ça met du sens à nos vies, mais le fait de sentir que ça touche des personnes et que ça leur fait plaisir, que ça leur apporte quelque chose, ça agrandit en fait la mission. C'est pas juste quelque chose de centré sur soi, ça se dit c'est le moment où on se dit qu'on a réussi à transmettre quelque chose. Et ça, c'est beau. La musique, c'est d'abord de l'émotion. Et puis, quand vous composez vos morceaux, vous mettez tout votre cœur et tout ça. Donc, forcément, quand vous arrivez à transmettre cette émotion lors d'un concert, ça fait plaisir de voir les gens qui viennent vous voir en disant « Ouais, ce morceau-là m'a touché », etc. Est-ce qu'il y a des fois des trucs négatifs, des gens qui viennent dire « Ouais, c'est pas... » ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé en vrai. En général, les critiques qu'on peut avoir et qu'on a eues, c'était pas sur la musique. C'était plus sur justement le format réseaux sociaux. Le fond, en mode le fond, il est pas très beau. Ce genre de truc. Et en fait, je pense que les gens se rendent pas forcément compte ce que c'est que de créer du contenu. Et au début, quand on commence, on n'a pas de moyens. Donc en fait, on fait avec ce qu'on peut, avec le téléphone, avec les moyens du bord. Là, on commence petit à petit à avoir plus belles images, des plus belles vidéos de concerts parce qu'on a investi dedans. Mais Rome, c'est pas bâti en un jour. Ce qui est compliqué, c'est aussi qu'il faut avoir de multiples casquettes, en gros. À la fois auteur, compositeur, interprète... vidéaste, youtubeur, influenceur, etc. Technicien en même temps. Il y a un aspect très technique aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, tu es venu avec ton matériel. On avait discuté un petit peu ensemble. Tu voulais te raccorder à la console, mais aujourd'hui, c'est plus possible. On est obligé de capturer le son avec des micros. Donc, comment on va pouvoir faire. Tu m'as dit, j'ai une enceinte qui fait mix aussi. Je peux mettre mon piano. Là, j'ai un reverb. Donc, d'accord, on va faire comme ça. Et puis, ça se passe très bien, en tout cas. Voilà. Bon, on s'adapte toujours. De toute façon, dans chaque lieu, une nouvelle config. C'est jamais pareil. C'est clair. Donc, c'est ça, on a l'habitude. Mais oui, il y a beaucoup de casquettes et donc forcément, on fait des erreurs au début. On apprend toujours. Et de toute façon, c'est Frédéric Pecker, du coup, un des deux ingé-sons qui a bossé sur notre EP, qui disait ça, qu'un artiste, en moyenne, il se construit en 10 ans. Oui, oui. Donc et nous, il nous reste 7 ans. D'évoluer, il continue d'évoluer toute sa vie. Je crois que c'est jamais figé. Je crois qu'il y a toujours une quête, une recherche. Un artiste cherche toujours à s'améliorer. Et quand il obtient quelque chose, il a envie de passer à l'étage supérieur, etc. Donc, je trouve que c'est humain, c'est normal de vouloir toujours faire mieux. Il y a de très grands artistes qui n'arrêtent pas de se réinventer. Ce qu'ils avaient fait il y a 10 ans était super, tout ça. Mais aujourd'hui, il le ferait encore différemment, etc. Donc, c'est une évolution et je trouve que c'est très bien que ce soit comme ça. C'est le côté vivant, c'est le côté humain, c'est ce qu'on aime. Est-ce que vous avez peur un peu, justement, de l'IA et toutes ces choses-là qui apparaissent et qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, prendre ta voix et puis la mettre sur une autre chanson ton empreinte vocale, on peut la prendre et puis te faire chanter alors que tu ne chantes pas physiquement sur un morceau de tel ou tel interprète. Est-ce que ça vous fait peur? C'est pas rassurant. C'est un vrai problème de... C'est pas du droit à l'image, c'est du droit... Enfin, la voix, ça nous appartient, en fait. Donc, s'il y a un droit à l'image, pourquoi il n'y aurait pas un droit à la voix? Il y a déjà des procès, je crois, qui sont en cours, parce que justement... Du coup, on peut faire dire à n'importe qui n'importe quoi, et ça, c'est très inquiétant aussi. On peut créer facilement des fake news en faisant passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, pour des propos haineux qu'il n'aurait pas tenus, etc. Donc déjà, rien que ça, sur le principe, ça fait peur. Et je me souviens que pendant les enregistrements en studio, Fred s'était amusé, donc Fred, notre ingé son, s'était amusé juste pour tester, en fait, à demander à l'IA de générer ma voix. Et bon, j'étais rassurée parce que je n'ai pas reconnu ma voix. D'accord. Donc, c'est pas au point, et tant mieux. Ouais. Mais disons que ça progresse tellement vite que. Mais ça progresse vite quand même. C'est vrai que c'est. En fait, ce qu'elle n'arrivait pas à prédire, c'est mon range. C'est-à-dire que quand je la reconnaissais pas, parce qu'en fait, elle connaît pas ma tessiture, donc elle allait choper des notes que je ne peux pas attraper, moi, avec ma tessiture. Donc, du coup, c'est plus ma voix, on la reconnaît plus. Mais sur le principe, même, c'est même la création, moi, que ça me dérange encore plus, parce que aujourd'hui, on est capable. Enfin, sur un petit passage, c'est difficile, des fois, de faire la différence entre l'homme et l'IA, mais sur une chanson tout entière, moi, je sens la différence parce que l'être humain, les plus grandes créations, en fait, quand on regarde Bach, Mozart, etc. Et ben c'est justement leur capacité à nous surprendre, en fait, à pas faire ce qui est attendu, et des fois à sortir des sentiers battus, et il y a cet accord, on sait pas d'où il sort, ou ce changement de tonalité, cette modulation, personne l'attendait, elle est pas logique, elle paraît presque un peu bizarre, mais en fait elle ouvre un monde, et c'est ça qui fait que le morceau est extraordinaire. Et ça, l'IA, elle est incapable de le faire, puisque bah elle va calculer en probabilité l'accord logique qui est attendu, qui doit venir. Donc l'IA n'est pas surprenante sur un morceau complet. Elle sera pour moi jamais au niveau de l'homme. Par contre, ouais, sur des petits passages, ça fait très peur. Et en plus, aujourd'hui, on est dans l'ère des contenus courts. Donc en fait, on séduit quelqu'un avec un reel de 60 secondes plutôt qu'avec un morceau complet de 3 minutes, 4 minutes. Donc ouais, ça fait peur. Bah justement, on pourra en reparler de ce sujet parce que j'ai un morceau qui en parle justement de cette thématique de l'intelligence artificielle. Après, ça peut être un outil, on peut s'en servir à bon escient, etc. Mais c'est vrai que tu disais, on peut faire des fake news, on peut faire dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, des fois, c'est bluffant. On regarde des vidéos, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le vrai? C'est pas le vrai? On est obligé de regarder à deux fois, même s'il y a des choses des fois qui nous paraissent un petit peu bizarres, on est quand même dans le doute. Et tout à l'heure, j'ai entendu, j'ai écouté sur une radio, il y avait une interview de Sting justement qui disait, mais justement. Les chanteurs doivent être à la hauteur, encore, ils doivent dépasser l'IA. Parce que l'IA, finalement, elle est là, elle est capable de faire d'engendrer des mélodies, des chansons, des musiques et tout ça. Mais il lui manque quelque chose, c'est finalement l'émotion. Parce que l'IA ne sera jamais triste. L'IA ne va pas chanter une chanson triste avec l'émotion d'un artiste, d'un humain. Et c'est justement l'imperfection de l'humain qui fait que c'est beau. C'est un peu comme si on regardait à une époque, on prenait des boîtes à rythme, les batteurs, c'était parfait. Mais on aime bien justement quand il y a un vrai batteur qui tape sur des vrais pots, etc. Le côté humain, le côté, même s'il y a un petit décalage, bah, ça fait partie du truc. Et si c'est trop parfait, peut-être que ça va pas nous convenir. Il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas l'instant. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais ce qui est un peu inquiétant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on habitue le public à un standard parfait. C'est-à-dire que les gros concerts, quand on regarde Taylor Swift, par exemple, bah, en fait, c'est du Melodyne. Melodyne, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'équivalent de l'autotune. C'est-à-dire que même quelqu'un qui sait chanter comme Taylor Swift, ces petites imperfections, on les tolère pas. Il faut que tout soit, ça sonne exactement comme l'album. Alors, des fois, peut-être même qu'elle chante pas du tout parce qu'elle danse en même temps ou je sais pas quoi. Mais ça, à la limite, si elle danse en même temps, ça s'excuse parce que Michael Jackson le faisait aussi. Oui. Mais on peut pas tout faire parce que là, c'est une question de respiration, c'est inhumain. Tout à fait, ouais. Mais quand elle chante, et le fait que en fait, ça sonne parfait, que tout est parfait au niveau du pitch de chaque note, parce que c'est corrigé au Melodyne, mais c'est subtil. En fait, aujourd'hui, on a un volume, entre guillemets, de l'autotune. Donc, en fait, on peut en mettre un tout petit peu. Oui, et à la base, c'était pour corriger des fausses notes. Hein. Et certaines personnes l'ont amené à l'extrême pour dénaturer la voix, carrément. Hein. On l'utilise beaucoup dans le rap, etc. Où là, on a carrément un son, on dirait qu'ils sont dans un aquarium. Et puis voilà. mais après, c'est un effet. Alors que l'origine, c'était vraiment une correction. Quoi. C'est ça. Et alors, encore en studio, bon, on peut comprendre parce que le studio, c'est un peu une version figée d'un morceau qui doit avoir un côté un peu plus parfait et tout, mais le fait de l'avoir implémenté dans le live, ça, je trouve que c'est dommage parce que, en fait, du coup, quelque chose de normal, c'est-à-dire une note qui n'est pas parfaitement juste ou un pain, entre guillemets, au niveau de la voix, bah, aujourd'hui, c'est vu comme rédhibitoire, alors que il y a plein de voix qui étaient imparfaites et qui aujourd'hui sont les plus grands artistes de tous les temps. Et en fait, quand on écoute, il y a des lives où ils étaient pas en forme, ils sont pas parfaitement justes. Il y en a même où c'est leur signature. On parlait de Peter Doherty de pas être parfaitement juste. Neil Young, pareil. Neil Young, ouais, effectivement aussi. Et pourtant, il a un charme dans sa voix. Et aujourd'hui, il aurait du mal parce que le standard, il est là. On le ressent dans les studios, dans ça se ressent dans les sélections, notamment au niveau des tremplins. Dans les projets sélectionnés, c'est au-dessus même de l'originalité de la composition. J'ai l'impression, enfin ça c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'ils vont d'abord regarder la qualité de la prod et à quel point ça sonne immaculé. C'est très important et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'artistes qui viennent ici, ils me parlent justement la qualité, le son et les machins. Et ils font beaucoup de studios, ils écoutent beaucoup, ils font très attention. Et si on écoute bien certains standards des années 60, 70, c'était enregistré en stéréo, même encore avant, c'était en mono, simplement avec deux micros, et c'était capturé comme ça. Ça reste des standards encore aujourd'hui. Ils étaient complètement imparfaits, mais on les aime tels qu'ils étaient, parce que finalement, ils ont immortalisé un moment, et avec l'émotion qu'il y avait avec. Et aujourd'hui, c'est plus la technique. Il faut que tout soit carré, tout soit juste. Et bon, ouais, voilà, c'est les modes. C'est dommage, mais bah après, c'est peut-être une mode aussi qui va passer. Mais c'est vrai que, par contre, ça, comme je disais, ça a habitué le public en fait à aller rechercher ça aussi, du coup. Si on regarde bien, on remonte un petit peu dans le temps. Dans les années 80, il y a les premiers synthétiseurs qui étaient arrivés et on faisait des sons, on imitait des sons. De violon avec un clavier, donc c'est quelque chose qui sortait complètement de l'imagination des gens. Mais qu'est-ce que c'est que c'est pas possible? On faisait des voix en appuyant sur des touches. Donc à l'origine, on dit ouais, mais le synthétiseur va détruire la musique. Le synthétiseur amène des choses qui ne sont pas possibles et je pense que c'était un peu une révolution comme l'IA aujourd'hui. Et puis finalement, dans les années 80, on servait des synthétiseurs pour inventer des sons. Il y avait des sons dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Et il y en a certains qui ont été complètement oubliés et d'autres qui ont été retenus et on a continué à évoluer. Et ce que je veux dire, c'est que justement, on est revenu au bout d'un moment à des sons vintage. On a repris les amplis à lampe, les guitares, qu'on avait un petit peu oublié avec les synthétiseurs parce qu'on était dans les trucs vraiment synthétiques, artificiels. Et tout d'un coup, on avait envie de réécouter des vraies guitares, des vraies cordes, des vraies voix. Donc là, je pense que l'IA, peut-être, ça sera une révolution dans un certain temps. Ça va amuser un petit peu les gens. Et au bout d'un moment, on va revenir à l'émotion, aux vraies voix, aux vrais chanteurs. Je pense, je sais pas. J'espère. Au moins, il y a un truc sur lequel ils pourront pas nous remplacer. C'est le live. Parce que les gens veulent voir justement quelqu'un. C'est ça, c'est discuter après le concert. Et ça, l'IA, elle a pas grand chose à offrir là-dessus. Et par contre, par rapport au synthé, moi je trouve que ce qui est bien justement, ce que j'aime bien dans le synthé, c'est que c'est une imitation imparfaite. C'est-à-dire que quand on a un synthé qui essaie d'imiter un corps d'harmonie ou un saxophone, ça sonne pas exactement comme un saxophone. Et c'est pareil aussi pour le coup des amplis en lampe, les amplis qu'on intègre dans les pédales ou les plugins, ça sonne pas du tout avec la même authenticité. C'est censé ressembler, c'est censé remplacer, mais finalement. En fait, ça crée autre chose. C'est ça qui est bien. C'est que ça crée autre chose. Et je trouve que c'est ça qui est dommage dans l'IA, c'est que elle cherche vraiment à imiter purement là où les synthés, eux, ils ont juste ouvert une autre voie avec des nouveaux sons, quoi. Donc, on verra comment ça évolue. On verra, en attendant, ça serait dommage parce que la créativité, elle est quand même là. C'est quand même des humains qui font. Donc, si les machines aujourd'hui sont capables même de. Il suffit de leur demander les choses avec un texte et puis ils nous le font, quoi. C'est incroyable, quoi. Le vrai problème au fond, c'est la rémunération, en fait. Avant ça, c'est les droits d'auteur. Puisque il y a eu pas mal de scandales et ça continue même si les plateformes de streaming elles essaient de faire des tracks à ceux qui déclarent des morceaux qui distribuent des morceaux qui ont été faits par IA en fait c'est ça les revenus par exemple de Spotify ils vont être distribués par rapport à la popularité de l'artiste donc les gros artistes vont prendre la grosse part du gâteau et s'il y a quelqu'un qui a généré des morceaux par IA et qui a fait ses streams de manière artificielle avec des robots qui écoutent le morceau en boucle, il va mieux être rémunéré qu'un artiste qui a, 1000 personnes qui l'écoutent, mais c'est des personnes réelles. et qui est beaucoup moins, enfin qui est moins connu, quoi. Mmh. Donc ça, c'est le problème aussi, le problème des droits d'auteur aussi. Parce que la SACEM, comment elle fait, ou, enfin, ça peut être la SACEM, ou ça peut être la Pires, ou la Sabamayor même, hein. Comment ces sociétés-là, concrètement, elles font pour savoir quand quelqu'un déclare un morceau sur leur site, si c'est l'IA ou si c'est lui qui l'a composé, elles peuvent pas. Même plus loin, si on regarde bien avec l'apparition des sampleurs, il y a beaucoup de musiciens qui font de l'électro, par exemple, la techno, etc., qui utilisent des morceaux, qui utilisent des notes qui ont été samplées dans d'autres morceaux. Et je sais pas si vous êtes déjà amusé avec les petites applications sur le téléphone pour reconnaître les chansons. Il reconnaît très bien les chansons normales, mais quand il y a du remix, bah il reconnaît plus, ou il reconnaît justement les samples originels. Et moi ça m'arrive sur certains morceaux, j'utilise l'application 10 fois et il me trouve 10 titres différents. Parce qu'il y a tellement de choses mélangées dedans. Et les droits d'auteur, ils vont à qui, finalement? Parce que les morceaux, le morceau est composé avec des trucs qui ont été empruntés ailleurs. Donc, au bout d'un moment, ça devient compliqué aussi. Hein. Bon. Ça devient compliqué. Qu'il y avait encore des humains, en général, il y a des négociations qui se font entre les différents parties. Mais là, en fait, justement, c'est ça. Si c'est l'IA qui écrit... Enfin, elle n'écrit pas, en fait. Elle vole et elle génère à partir de tout ce qu'elle a volé et digéré. C'est pas une vraie intelligence. Mmh. Mais du coup, ça revient à qui, en fait? Est-ce que ça revient à OpenAI? Est-ce que ça revient à, je sais plus comment elle s'appelle, la société de Claude? Sous Audio. Et en fait, c'est des financiers et c'est des sales directors, en fait, du coup, qu'on est en train de rémunérer en droit d'auteur. Et c'est dommage parce que ça valorise pas des années d'apprentissage, de réflexion, de recherche, en fait, de se rechercher. C'est un voyage, en fait, quand on est artiste. C'est une quête. Donc, et après, c'est aux auditeurs de choisir les artistes qu'ils aiment et puis continuer d'aller applaudir les gens qui jouent, les artisans de la musique, on va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une usine, c'est des usines. Il y a plein de gens qui sont derrière avec des moyens pas possibles. Et finalement, il n'y a pas forcément le talent. On n'a pas besoin d'avoir de talent, puisqu'on peut mettre la voix de qui on veut, à qui on veut, etc. Donc voilà, c'est... Ah, c'est sûr, enfin, que c'est les auditeurs, c'est le public. En fait, c'est le comportement des gens qui va décider. Et ça pourrait même évoluer au final comme la nourriture, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, les consciences sont hyper aiguisées sur là où il y a des pesticides. Enfin, la nourriture qui n'est pas de bonne qualité, elle continue à exister. Le fast-food continue à exister et à se développer, mais à côté il y a des gens qui vont favoriser le bio, le local, tout ça. Donc je pense que ça va peut-être évoluer pareil, en vrai. Et quitte à manger par exemple de la viande moins souvent, manger de la meilleure viande, etc., et des meilleurs légumes, etc. Donc peut-être qu'il y aura aussi des gens qui font la sélection, qui continueront d'aller applaudir les artistes qui tournent, parce que les vrais artistes, c'est ceux qui tournent, hein, c'est pas ceux qui enregistrent dans leur studio et qui sortent jamais de leur studio. Il y en a, ils sont comme ça, hein. Si les gens veulent voir un vrai artiste, ils ont qu'à regarder leur date de concert. C'est ça, c'est important. Très bien. On papote depuis pas mal de temps et c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant, qu'on commence à aborder de plus en plus souvent dans l'émission Mavrika. Mais c'est l'évolution de la vie, hein, c'est comme ça. On va continuer à écouter un morceau. Alors, il n'a pas été fait avec de l'IA, celui-là? Rien n'est fait avec de l'IA. L'IA, je m'en sers pour les tâches administratives, mais ça reste un outil, un robot. Ça ne remplace pas un cerveau, quoi. D'accord, donc le morceau, le troisième morceau de cette EP s'appelle Edge of Storm, c'est ça? C'est ça, ça veut dire la haie d'épine. C'est une référence à La Belle au Bois dormant. Ok, donc on part un peu dans les légendes, des choses comme ça? Pas vraiment, c'est plus une métaphore. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle John, qui est tout seul en train de ruminer dans un café. Et en fait, il a eu des déconvenues avec des femmes. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui reproduit toujours un peu les mêmes erreurs sentimentales et qui est pris dans son cercle vicieux, en fait, avec les filles. Et du coup, la métaphore de la haie d'épine, c'est que le prince, dans La Belle au Bois dormant, il doit affronter justement cette haie d'épine, il doit se faufiler, se frayer un chemin pour arriver jusqu'au château, et lui, il n'arrive pas à la franchir. D'accord, là, c'est plutôt embêtant, là. Voilà. Très bien, donc on écoute ce morceau tout de suite et on se retrouve juste après. Bar. Oh, retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 176. Et nous avons comme invité le groupe Nightfall District. Voilà, en direct live. On vient d'écouter un morceau justement qui s'appelle Edge of Thorns. Et juste après, c'était le groupe Elixir. Alors, le morceau d'Elixir, c'est un morceau qui était enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pendant une émission. C'était l'émission numéro 165. Donc, ça nous ramène au mois de novembre 2013. Donc, comme quoi le temps passe très très vite. Et on est toujours dans l'émission Marika. Donc, et ce soir, il y a aussi des morceaux en live. Il y en a déjà eu 4 interprétés en direct. Et il nous en reste encore 2 autres. Je pense qu'on va les caser assez rapidement. Et justement, j'ai passé Elixir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'autres enregistrements. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas d'autres enregistrements d'eux. Et ils seront donc samedi, donc au Mavrika Live numéro 16, à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Méma, à partir de 20h. Donc, allez les applaudir, vous allez voir. Donc là, c'était un morceau que vous avez sûrement reconnu. Alors, c'est dommage parce que Miguel, il est d'un côté, mais il a le casque d'un côté et il a le micro de l'autre. Donc, c'est un petit peu compliqué. On va essayer de s'organiser pour le faire parler quand même avant la fin de l'émission. Parce que j'ai regardé en même temps Mam Cara, ils étaient venus dans l'émission 152, etc. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Et le morceau qu'on vient d'écouter, donc c'était Dancing With Myself, et c'était une reprise de qui ? Vous avez reconnu, non ? Voilà, non, c'est une colle. C'était Billy Idol. Je sais pas si vous. Voilà, donc okay. C'est un standard. C'est je vrai que tout le monde. Pas si bien que ça, vrai, Billy Idol. Non, mais tout le monde connaît cette chanson-là, mais connaît pas forcément. Il y a plein de chansons comme ça qu'on a dans la tête, qu'on reconnaît, mais qu'on n'arrive pas à situer des fois le titre ou le nom de l'interprète. Donc voilà, donc c'était un morceau qui avait été enregistré en direct live dans le studio. Hein. Voilà, c'était s'il y avait des petits trucs imparfaits, bah c'est aussi le côté qu'on aime. On aime bien justement le côté humain, le côté vivant dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Très bien. Donc on a parlé de l'IA, on a parlé de plein de choses, etc. Donc dans l'émission Mavrika, on va rappeler que si les gens veulent connaître votre actualité, il faudrait qu'ils aillent donc sur le Facebook, hein. Facebook, Instagram. Voilà, Instagram. On est sur tous les réseaux. Voilà, c'est déjà ceux-là principalement. On vous cherche, on vous trouve assez rapidement. Il n'y a pas d'autres groupes qui s'appellent Nightfall District. Oui, alors sur les réseaux, non. Sur les plateformes, par contre, il existe un autre Nightfall District pas connu. Bah, malheureusement, quand on a choisi le nom, il n'existait pas. D'accord. Mais après, c'est de la musique électronique, je crois, polynésienne, et c'est un tout petit projet. Donc... ils n'ont jamais fait de live. Bah, justement, on parlait des artistes qui ne sortent pas de leur studio. donc, je ne pense pas qu'il y a un risque de confusion. D'accord, très bien. Et puis, tout à l'heure, au début de l'émission, il y a Christophe du groupe Prisma qui m'a appelé, hein, comme il a l'habitude de le faire. Je sais que c'est un auditeur fidèle. Et c'est le guitariste du groupe Prisma qui va organiser... tiens, on en parlera tout à l'heure. On passera un petit morceau et puis on parlera tout à l'heure du Creek Fest qui aura lieu le 11 avril, donc avec plein de bons groupes. Et Christophe me disait qu'il avait joué dans un groupe qui s'appelait Nightfall. Voilà, tout simplement. C'est un groupe de métal, ça, non ? Ouais, disons que c'est du hard rock, hein, hard rock mélodique. Ça me dit quelque chose. Voilà, quelque chose. Nightfall. Il y a moyen. Voilà, donc comme quoi, bah, finalement, c'est un nom qui passe bien, en tout cas. Vous avez choisi un nom composé... justement parce que en ce moment ça se fait beaucoup les noms composés, non, c'est ça? Ouais, on l'a choisi aussi pour le référencement où il y avait justement pas de groupe connu avec ce nom-là. Parce que ça arrive de temps en temps que je reçois un groupe et je cherche sur par exemple sur les réseaux sociaux et j'en trouve je sais pas combien, je dis mais ouais. C'est super dur de trouver un nom de groupe aujourd'hui parce qu'il existe tellement d'artistes et de groupes que c'est dur de pas tomber sur un doublon. Il y a forcément des doublons aujourd'hui quasiment. C'est vrai que ça a mis du temps, il fallait trouver. Sauf si après il y en a, ils utilisent la technique de changer l'orthographe. Ouais, il y a ça aussi. On a reçu les Butterflies il y a pas longtemps. Ils avaient changé l'orthographe parce que Butterfly, effectivement, il y a beaucoup de groupes qui s'appelaient comme ça. Et après, tout à l'heure, on a écouté le groupe Dérapade. Eux, ils ont carrément inventé un mot. Hein. Le mot Dérapade n'existe pas en français. Mais ils ont inventé un mot comme ça et c'est les seuls. Donc, c'est les meilleurs de leur catégorie puisque c'est le seul groupe, comment ils appellent ça, crunchy, pop, rock, Frenchy, crunchy. Voilà, ouais. Voilà pour le truc. Donc, c'est le meilleur groupe du monde dans cette catégorie-là. Très bien, comme vous êtes les meilleurs dans votre catégorie aussi. En tout cas, j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intention. Là, on attendait aussi des cuivres. Oui, il y a une trompette sur celui-là. Ouais. C'est le morceau un peu plus jazz. C'est vrai que c'est un premier EP qui est éclectique. C'est là où je voulais en venir. Il y a un petit côté très jazz quand même, jazzy. qui se révèle dans votre travail quand même. Ouais, je pense que c'est notre morceau le plus jazz. Bah, mm-hmm. C'est vrai que de base, je suis trompettiste, j'ai appris la trompette au conservatoire de Fleury-les-Aubrais. C'est toi qui joues de... Ouais. Ah oui, ouais, ouais. D'accord. D'ailleurs, petit coucou à Jean-Philippe Bouquin, mon prof de trompette, mon ancien prof de trompette, s'il est là, s'il nous écoute. Donc là, c'est le retour aux sources, hein. On est à Fleury-les-Aubrais, ici, à 5 minutes du centre d'Orléans, c'est vrai, mais ouais, on est ça, à Fleury. J'ai appris la passerelle, la trompette, j'avais fait un peu de solfège aussi là-bas. Bon, après, je me suis beaucoup... J'ai beaucoup expérimenté après en solo. Enfin, tout l'aspect découverte du rock, du blues, même du progressif et tout, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai été expérimenter toute seule après. Mais il faut avouer que franchement, ça m'a donné quand même des super bases instrumentales, même de solfège. C'est important quand même un minimum, le solfège, même si c'est barbant pour tout le oui, monde. Oui, c'est sûr, mais c'est un moyen de communication. On le voit tout de suite. Ouais, c'est voilà. Ça, c'est-à-dire que si j'avais pas le solfège, je pourrais trouver quand même des bons morceaux, mais alors les communiquer avec le reste du groupe... Voilà, c'est quelque chose quand on sait lire les morceaux, on peut très bien écrire les notes et puis les envoyer à quelqu'un d'autre qui va... mais quand on peut pas communiquer, c'est vraiment... Il faut être ensemble, quoi. Et puis c'est aussi une manière de protéger les œuvres, parce que plus en fait on peut les mettre sur partition, plus la SACEM va mieux les protéger, être capable de mieux les protéger. D'accord. En cas de, okay, de plagiat, ouais. Aussi. Hein, c'est bien de savoir tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a certains groupes qui doivent, certains artistes qui doivent se faire piquer leur mélodie, etc., parce que simplement ils n'ont pas été protégés. Après, les audios, ça protège bien aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'une partition pour vraiment décortiquer ligne par ligne et tout entendre et bah là, en fait, c'est plus difficile à contester un plagiat quand la ligne à l'identique, note par note, sur la partition, bah, elle a été pompée, quoi. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les groupes, justement, quand ils ont étudié la musique, le solfège et tout ça, bah, ils progressent plus rapidement, puisqu'ils ils transmettent plus facilement les choses. Alors que sinon, quand on voit, par exemple, des groupes d'amateurs qui sont autodidactes, qui n'ont jamais appris la musique, qui savent jouer parce qu'ils ont beaucoup travaillé, hein, ça n'enlève pas leur talent, mais ils ont beaucoup plus de mal à transmettre, beaucoup plus de mal à composer des morceaux et les faire évoluer, quoi. Ça, c'est différemment, complètement différent, quoi. Ouais, je pense que la communication. Après, il y a des sauvages, entre guillemets, des musiciens sauvages, donc qui n'ont jamais fait le conservatoire, qui sont excellents et qui arrivent quand même très bien communiquer. Moi, je pense que les deux sont importants, c'est-à-dire que, bah, on dit souvent que avoir un maître, c'est bien, mais il faut le tuer symboliquement pour pouvoir exister en tant qu'artiste. Et bah, c'est ce moment donné, par exemple, si on prend dans la sculpture où Camille Claudel, elle a arrêté de copier, de faire des copies du penseur de Rodin, et qu'elle a trouvé son propre style, qu'elle a commencé à exister en tant que sculptrice. Et en fait, c'est ça, c'est bien d'avoir un maître au départ. Donc le maître, ça va être le professeur d'instrument, ça va être le conservatoire, l'orchestre, etc. Mais c'est aussi bien d'aller explorer soi-même. Trouve son identité. Et après, faut prendre le meilleur de chaque, sans tout renier. Hein, mais c'est vrai qu'il faut s'émanciper aussi de ce côté plus scolaire, plus codé. Parce que on ne fait pas des artistes conservateurs. On fait des très bons instrumentistes, des techniciens, mais on ne fait pas des artistes. Et puis, y a aussi le côté, bon, tu joues du piano, tu joues de la trompette. La voix, par contre, c'est ta voix que tu travailles beaucoup ta voix, ou c'est ta voix qui est naturelle et tu as une facilité par rapport à d'autres personnes? Ouais, je l'ai travaillé. Oui, j'ai jamais eu de cours de chant. Enfin, j'ai déjà quand même chanté dans des chorales quand j'étais petite et tout, vite fait, mais j'ai jamais eu vraiment de prof de chant. Bon, je pense pas avoir une voix non plus extraordinaire en termes de capacité, mais c'est vrai que j'essaie de la travailler pour qu'elle soit la plus juste possible. Et puis, bah, ça, c'est vrai que ça s'est développé. Justement, j'ai beaucoup cherché toute seule. La respiration, je suis avantagée parce que je suis trompettiste. Donc, je sais respirer par le ventre. J'ai des petites techniques, mais il y a un côté très psychologique, je me suis rendu compte, dans la voix. Notamment avec les aigus où, en fait, le cerveau humain, il a tendance à se crisper dès qu'il faut aller chercher les notes aiguës et tout. Et au contraire, il faut détendre. C'est complètement contre-intuitif. Faut reprogrammer son cerveau, en fait. D'accord, très bien. C'est quelque chose que je découvre, je ne savais pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, si on a à la base, la voix, elle n'est pas terrible, on a beau la travailler, on n'arrivera jamais. Et inversement, il y a des gens qui ont une facilité. C'est sûr que, bon, je pense qu'il y a quand même du travail derrière, mais à l'origine, il y a quand même des gens qui ont plus de facilité que d'autres à chanter. Et je pense que toi, déjà, tu dois être un petit peu avantagé à ce niveau-là, quoi. Je dirais pas que j'ai une facilité génétique parce que j'ai pas une voix avec un range extraordinaire, une tessiture ou un timbre, une puissance timbrale plutôt extraordinaire, mais par contre j'ai une oreille. Et ça, ça aide parce que du coup on peut se corriger. En fait, le pire c'est quand on peut pas se corriger soi-même. Parce que du coup on sait pas quoi chercher en soi biologiquement pour avoir le bon rendu. Très bien. D'ailleurs, la semaine dernière, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on a reçu le groupe Riptide and Tears. Et Christophe, il avait une voix, il avait une voix qui portait. On avait beau baisser le gain des micros, ça saturait, incroyable. Mais vraiment, il avait une puissance. Il y a des gens comme ça qui sont puissants et puis d'autres qui sont... Il a de la chance pour le live. Il est avantagé pour le live parce que... C'est un avantage. Moi, c'est un sujet chez moi. C'est vrai que j'ai une voix qui est plus dans le velours un peu, le tapis presque. Elle passe bien. Moi, je vois. Après, dans les bien. Mix, c'est un vrai casse-tête pour les ingé-sons, par contre. Ah ouais, parce que je suis en médium grave, donc en fait, je suis dans les fréquences de la guitare et de la. Voilà, donc du piano. Il est obligé de faire un peu de place avec la guitare, enlever certaines fréquences pour que la voix soit mieux placée, etc. C'est un travail de technicien après. C'est ça. Mais alors qu'il y en a certains qui ont une voix qui est complètement différente, donc même s'il y a les autres instruments, on l'entend. Et il y en a d'autres, non. Il faut. J'imagine les gens qui ont fait, par exemple, Gainsbourg ou Renault, ça doit pas être évident de mettre une voix comme ça au milieu des instruments, justement. Non. Bah en fait, les voix les plus faciles en fait à mixer, c'est les voix pop, pop rock, presque opéra, comme Freddie Mercury qui passe au-dessus du mix à chaque fois. Oui, easy. Là, c'est... voilà. Mais même les voix pop en général, ces voix qui sont très puissantes, très timbrées avec beaucoup de coffres, même les voix de femmes, on pense à Céline Dion et tout, etc. Mmh. Ces personnes-là, je pense qu'elles ont. Enfin, c'est moins une contrainte, par exemple, qu'un David Bowie. David Bowie, il est beaucoup plus dans les médiums, il a des subtilités au niveau de la voix, faut pas que les instruments le mangent. Alors, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un casse-tête d'ingénierie, mais en fait, quand on arrive à le faire, ça peut être super beau parce qu'il y a un côté très poétique dans ce genre de voix, je trouve, justement. Oui, tout à fait, oui. Très bien, donc on va écouter encore un autre morceau parce qu'on découvre l'album, l'EP, puisque c'est un EP, il a 5 titres. Le prochain, c'est Bombshell, yes. ce qui veut dire... Ça veut dire éclat d'obus. Éclat d'obus, d'accord. C'est une chanson qui parle de la guerre, qui décrit un peu un no man's land. Donc ça peut être n'importe quelle guerre, j'ai pas voulu ici parler d'un conflit en particulier. D'ailleurs, c'est assez triste parce que je l'ai écrite avant... avant les conflits qu'on connaît en ce moment qui se passent dans le monde. Un peu partout, là. En plus, ça commence à devenir inquiétant. Ouais, ouais. Et je me suis dit, mais c'est fou comment cette chanson a une résonance que je voulais pas qu'elle ait dans le réel. Mais du coup, c'est le premier morceau que j'ai écrit, ouais, Bombshell. D'accord, très bien. On l'écoute et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Can't stand the bloody smell. go. Voilà, on écoute les morceaux jusqu'à la dernière note dans l'émission Mavrika. Et on vient d'écouter Éclat de bombe, Bombshell, donc Nightfall District, qui est notre invité de cette émission numéro 676. Et depuis tout à l'heure, j'essaie quand même d'avoir... Il y a quelqu'un qui est dans les studios depuis le début, qui veut pas trop parler, c'est Miguel. Ça va, Miguel ? Ouais, ça va très bien, merci. Alors Miguel, pour ceux qui se souviennent, qui suivent l'émission Mavrika, c'est vrai que ça remonte il y a assez longtemps, c'était une autre époque. Ouais, mais c'est aujourd'hui, c'est la continuité quand même de cette époque-là, puisqu'il y a d'autres des artistes qui ont arrêté, il y a d'autres qui sont venus, et puis on continue à recevoir plein d'artistes et les découvrir. Alors qu'est-ce que tu penses du groupe de ce soir ? Alors, déjà, c'est très très bien, musicalement, c'est très carré, hein, super bien. Carré, intéressant, c'est très riche. Bah merci, ça fait plaisir. Ouais. Vraiment, je suis assez épaté par le jeu au piano, déjà, par les morceaux, évidemment. Ils sont très sympathiques, hein. Et ils m'ont donné un flyer, je suis content parce que je vais pouvoir l'écouter. D'accord. Ok, donc toi Miguel, tu as arrêté la musique ? Ouais, j'ai pris ma retraite. Ouais. T'as pris ta retraite, donc, t'es tout jeune encore, tu peux encore, tu peux encore y revenir, ça se trouve tu l'as mis de côté, tu reviendras dans quelques années, non ? Non, je pense pas. Non, aujourd'hui c'est la photo, donc tu t'es lancé dans la photo, c'est ça ? J'ai toujours été photographe. Oui, t'as toujours été photographe, c'est vrai. Ouais. Moi je t'ai toujours connu avec des appareils photo, tu aimes bien travailler le noir et blanc, donc des photos un peu particulières avec une émotion, tu aimes bien les jouer avec le noir, le blanc, avec voilà, c'est oui j'aime beaucoup les portraits. Alors les portraits, c'est pas si vieux que ça, parce que je travaillais beaucoup, je faisais pas mal de photos de rue, paysages un peu noir et blanc très contrastés, hein, comme certains grands photographes que j'admire. J'aime beaucoup le minimaliste, ça c'est quelque chose que la simplicité, quoi. Ouais, c'est vrai que les photos de rue, c'est un instant. Voilà, c'est un instant. C'est un instant. Ce morceau de vie aussi. Hein, ce morceau de vie-là, tu l'as une fois et tu l'auras plus jamais. Mmh, les passants qui passent, qui ont cette attitude, tu les auras qu'une seule fois et toi, tu les immortalises. Ouais, bon, tu dois en faire beaucoup et il y en a certaines qui restent et il y en a d'autres que tu... Voilà, des fois la photo, c'est ça, quoi. Moi, je pense qu'un photographe, il fait 3 photos dans sa vie. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, on peut faire énormément de photos, mais il y en a certaines qui reviennent et puis qui restent accrochées. Intemporelles. Voilà. C'est ça. Très bien. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de te voir dans l'émission. Et tu reviens quand tu veux, puisque tu es dans la région maintenant, parce que t'es parti, voilà. Oui, j'étais parti, ouais. Et là, je suis revenu. T'es revenu, tu restes là pour un certain temps. Oui, mais je pense que je vais repartir. Tu vas repartir aussi. Enfin, et pendant que tu es là dans la région orléanaise, n'hésite pas à revenir nous voir, hein, avec beaucoup de plaisir. Ouais, en plus, t'as pris plein de photos, donc les photos, on pourra les voir prochainement. Je les passerai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bah, super. Voilà. En tout cas, super content de te voir. Et c'est vrai que tu étais venu à l'Opus Mavrika numéro 1 à l'auditorium avec Sum Camille et Recto Verso. Oui, et j'ai la surprise de te voir avec Tonio, en plus de personnes que j'apprécie beaucoup depuis longtemps, vous le savez. Donc Tonio, c'est pareil, quand il veut, il revient ici dans les studios, il n'y a pas de souci. Pas de problème, je lui dirai. Très bien. Merci bien. Et puis bravo encore. Bravo. Merci beaucoup, Miguel. Et puis, de toute façon, pendant que tu es dans la région, on revient me voir régulièrement. On garde le contact. Et puis, de toute façon. Je viendrai avec mon fils voir un concert que tu organises. Un concert, on va peut-être en reparler un petit peu. Le 7. Non, mais j'en dis pas plus. Le 7, donc le Mavrigala Live numéro 16. Il y aura deux artistes seulement dans la grande scène. On a choisi deux artistes au lieu de trois. Et on va leur donner plus de temps parce qu'ils ont envie de jouer plus longtemps. Donc il y aura quand même 3 heures de rock avec le groupe Dérapade. Donc c'est un groupe qui fait du rock français, des compositions uniquement. Et le groupe Elixir qui fait beaucoup de reprises de plein de morceaux. Tout à l'heure on a écouté Billy Idol, mais il y en a plein d'autres. Et puis ils le font super bien. Donc je pense qu'on va bien s'éclater. Ça c'est. Eh bien je passerai avec mon fils. Bah ça fait avec beaucoup de plaisir en tout cas. N'hésitez pas à venir donc au Mavrika Live. Et puis je vais vous passer un petit morceau d'un autre groupe. Tout à l'heure on a eu Christophe qui nous a appelé. On va passer un petit morceau de Prisma quand même. Et on va annoncer aussi le Creekfest qui aura lieu le 11 avril. Donc ce que je propose, c'est qu'on écoute déjà le morceau, après on parle de ça, et après on revient à nos invités, parce qu'il y a encore un petit peu d'actualité, il y a encore un morceau à découvrir de l'EP, et il y a encore des morceaux interprétés en direct live, c'est ça ? Je crois qu'on a fait le tour au niveau de l'EP, mais on peut. Oui, au niveau de l'EP, oui, mais au niveau du live. Ah oui, au niveau du live. Très bien. Encore, donc on se retrouve là, il n'y a pas de souci. Donc on écoute No More Tears, le groupe Prisma. Don't you realize? Voilà, c'était le groupe Prisma avec No More Tears. Tout ça pour vous dire que bientôt le Creek Fest aura lieu et dans lequel vous pourrez voir plusieurs artistes. Il y aura donc Prisma, donc du hard melody comme vous venez d'écouter à l'instant. Donc là, c'était un superbe slow. Et c'est un groupe français. Il y aura DGM, un groupe italien de metal prog. Amon Setis avec du metal prog français et Epitude, rock prod français. Et ça aura lieu donc le 11 avril à Cléry-Saint-André. C'est la salle Espace Loire, il me semble. Rue des Sables, donc à Cléry-Saint-André. De toute façon, ça sera indiqué. Vous allez là-bas et vous entendrez la musique. Hein. Donc, il y aura des groupes qui en verront du lourd. C'est organisé par Creek for Zik. Et c'est l'occasion de découvrir plein d'excellents groupes et de passer une très bonne soirée. Voilà. Et on revient avec nos invités Nightfall District en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et donc, on connaît un peu près votre univers. J'espère que on l'a fait découvrir à tous les auditeurs qui s'intéressent maintenant à ce que vous faites. Donc, on peut vous retrouver sur le Facebook, sur Instagram. Donc, Nightfall District, il n'y a que vous, pratiquement. Sinon, après, c'est en Philippines. Si vous voyez que c'est un autre alphabet que le nôtre, c'est que c'est pas les bons. Et puis, donc, il me reste encore quelques questions que je peux vous poser. Quel serait votre plus grand délire artistique que vous aimeriez réaliser ? Ah, bonne question. Ah, si, je sais. Il y a certains morceaux que j'aimerais beaucoup voir jouer par un orchestre symphonique. Donc, pourquoi D'accord. pas c'est une idée que j'ai depuis un petit moment. Pourquoi pas, en fait, arranger, enfin, s'associer avec un arrangeur orchestral pour... certains morceaux qu'ont ce côté un peu symphonique. Alors c'est pas forcément aux morceaux de l'EP auxquels je pense, mais plus à des morceaux progressifs qu'on n'a pas encore enregistrés en studio parce qu'ils D'accord. sont un peu plus exigeants et qui ont un vrai potentiel pour être joués par un orchestre symphonique et qui pourraient même après, pourquoi pas, donner une synchronisation sur une série ou sur un jeu vidéo ou autre. Parce que comme je disais, les musiques de jeux vidéo, notamment les musiques des ce qu'on appelle les RPG, les jeux de rôle japonais, ça m'a toujours beaucoup influencé aussi. Donc c'est vrai que ça pourrait être un moyen pour moi d'y mettre un petit pied aussi dedans. D'accord, très bien, on ne sait jamais. Il y a des gens qui écoutent la radio. S'il y a des gens qui ont apprécié votre travail et qui ont envie de vous jouer vos morceaux, justement, si c'est des gens qui jouent dans un orchestre, ben ça serait bien de vous mettre en relation. Et il faut savoir que dans l'histoire de l'émission Mavrika, ça s'est déjà passé une ah, fois. C'était le groupe Les Garens qui était un groupe de chansons françaises qui n'existe plus malheureusement et on a perdu dernièrement le chanteur. Il y a très peu de temps, Christophe, on pense toujours à lui. Et il écrivait de très belles paroles et puis... il avait là envie de le voir interprété par une chorale et un orchestre. Et y a des gens qui ont écouté. Et quelques temps après, c'était la salle Gérard Philippe à La Source. Ils ont fait un concert avec un orchestre, une chorale qui chantait ses chansons. Donc ils ont dû tout réadapter, etc. Mais en tout cas, c'était un super beau moment. Donc on ne sait jamais. Hein peut-être, j'espère. Là, c'est vrai que bon, je continue à écrire, mais je me rends compte en fait que bah, c'est depuis que j'ai ce fameux astrolabe en fait dont on parlait, le petit bijou, le petit bijou d'Arturia là. Bah, y a des sons de synthé qui ont un côté un peu symphonique dans les nappes et tout. D'accord. Et donc ça, bah, quand j'écris des morceaux avec cet instrument là, bah, dans la composition plus naturellement, bah, y a un potentiel symphonique qui peut s'en dégager des fois. Ouais, t'imagines déjà les orchestres, etc. Donc juste avec le son, on peut imaginer un jour une scène avec un grand orchestre, etc. Donc voilà, donc si jamais vous avez des bons plans, ben, n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, d'autres choses, des choses que vous aimeriez réaliser. Par exemple, vous avez parlé de tournées, donc pour l'instant, c'est principalement dans le nord de la France, mais vous allez descendre jusqu'à Orléans, déjà c'est presque le sud. Hein. On d'ailleurs, passe la Loire, c'est le sud. Hein. À ce propos, on serait très, très très partant pour pouvoir faire un échange, pourquoi pas, avec un groupe orléanais, où ah on oui, ferait une date fait, avec ouais. eux, par exemple au Dropkick. Et après, on pourrait les inviter aussi à Lille. Donc, s'il y a des groupes orléanais, je passe la petite annonce, ah qui oui, sont faut pas hésiter, intéressés. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas facile de sortir de sa région en général. Mmh. Donc, bah, nous, on joue avec les cartes qu'on a. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai cette double culture orléanaise et maintenant lilloise. On a aussi notre guitariste qui est originaire de Reims. Donc, peut-être qu'on aura plus facilement accès à Reims. Mais il y a des villes où on connaît vraiment pas de personne là-bas, donc là l'idéal c'est d'avoir des groupes en fait avec qui on peut faire oui, un partenariat fait, ouais. pour ça, ça se faire fait, des ça échanges se fait de beaucoup, dates. Hein. Moi je vais souvent justement au Dropkick ou à d'autres endroits où les groupes peuvent jouer. Souvent il y a un groupe qui vient d'ailleurs et puis en première partie souvent il y a un groupe orléanais et puis inversement après ça se joue ailleurs, donc le groupe orléanais va aussi jouer là-bas. Donc c'est des échanges qui peuvent se faire et ça permet au groupe d'ailleurs de venir à Orléans et le groupe d'Orléans d'aller découvrir un petit peu d'autres scènes, donc c'est bien quoi. Il y a des groupes parisiens, des groupes lillois, pourquoi pas, voilà. Très bien, donc voilà, en tout cas j'espère que les gens nous écoutent et qu'il y aura un bon plan avec ça. Sinon après je pourrais vous mettre en relation avec d'autres groupes, il n'y a pas de souci. Je crois que j'en connais quelques-uns, voilà. ça devrait le faire. Voilà, très bien, donc voilà pour les bon c'est des choses quand même, vous avez les pieds sur terre, c'est pas aller jouer dans l'espace ou dans des choses comme ça. Ah ben ça pourquoi pas, ça c'est un peu plus compliqué. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait là? On arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux interpréter un, deux morceaux? Ouais, carrément. On peut partir sur deux petits lives. D'accord. On fait ça comme ça. Parce que le temps passe très vite. Et c'est vrai que 3 heures, des fois, on se dit, ouais, on qu'est-ce qu'on va passer. Pouvoir faire? Et finalement, on arrive à la fin de 3 heures, on dit, est-ce qu'on n'a rien oublié? Parce que il y avait tellement de choses à découvrir, tellement de choses à dire. Que... Donc, je monte l'autre micro, parce que là, on change un petit peu. Retour dans la cathédrale. On retourne dans la cathédrale avec le son avec la réverb. Donc, voilà, c'est juste une petite réverb. Hein. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien du tout. Hein. C'est vraiment Nox qui est en direct avec son piano. Et qui va nous interpréter donc deux chansons à la suite. Ouais, bah, du coup la première, pourquoi pas, tiens ça y est, je sais ce que j'ai envie de jouer, on va pouvoir interpréter Take Me to That Room. Bro, c'est une chanson qu'on a travaillée avec mon groupe en live il n'y a pas longtemps, c'est la toute dernière qu'on a ajoutée au set. Justement, c'est un de ces morceaux qui a un potentiel symphonique dont je parlais, un côté un peu plus progressif, et ça parle du sujet des paradis artificiels. Alors, au sens large, pas forcément que les drogues, il y en a qui sont addicts au sexe, il y en a qui sont addicts aux jeux vidéo. Ouais. Et en fait, ça. Au téléphone. Ou... Ouais, au téléphone aussi, c'est vrai. Il y en a, ils sont sur. Ils regardent des vidéos à longueur de journée, et puis ils retiennent rien, finalement. Ils sont. C'est ça. Ils sont hypnotisés. Et en fait, souvent, ce qu'il y a derrière, quand on creuse, c'est cette envie d'échapper, en fait, à la réalité. À la réalité qui est difficile, des fois, qui n'est pas agréable. Et donc, j'ai eu l'envie d'écrire une chanson là-dessus. Très bien. C'est à toi, l'antenne 96.2 MHz est à toi. Thank you. Bravo! Superbe moment en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, un moment de plaisir, on va dire. C'est vraiment la cerise sur le gâteau hein, dans l'émission Mavrika quand il y a des vrais artistes qui jouent en direct live. Un autre morceau, juste après? Allez, c'est parti. On va dépasser un petit peu sur l'heure, mais c'est pas bien grave. Hein. Voilà. C'est parti. Puisqu'on est un peu dans les morceaux un peu plus osés, progressifs, je vais choisir pour terminer de jouer ce dernier morceau que j'ai écrit. Donc là, c'est tout récent, cette composition. Et ça s'appelle The Temple of the City. Et c'est un morceau avec un côté un peu folk antique presque, puisque ça s'inspire de l'histoire du temple d'Artémis, une des sept merveilles du monde. Ah, d'accord. Qui a été brûlée, en fait, par un mégalomane qui voulait inscrire son nom dans la postérité. Et donc, ce morceau, en fait, ça part de la fragilité de la création par rapport au côté instantané et facile de la destruction. De destruction, très bien. Donc ça s'appelle The Temple of the City. I built the temple of the city stone, cut down to the ground. Pillars giving in. But me, of the city storm, cut down to the ground, timbers shaking high, old ivory good style, a signal to the sky that I am still alive and real. I built the temple of the city, the fire fed my soul. Is it me or you? Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vraiment, ça fait plaisir. Des artistes, des vrais artistes qui jouent dans les studios. Ça, c'est quelque chose, c'est que du bonheur. Voilà, en tout cas, un très bon moment passé avec Nox, qui nous a interprété ce morceau-là, qui représente le groupe Nightfall District. Voilà, très bien. Vous êtes à la radio. Est-ce que vous avez quelque chose, un message particulier à faire passer auprès des auditeurs? C'est surtout par rapport à toi, merci de nous avoir accueillis, Albinou, ça fait super plaisir. Tu étais loin du micro, attends, Ah non, c'est moi qui n'ai pas monté le bon. Ah, voilà. C'est pas le bon micro. Voilà, il y avait le micro, mais c'était pas le bon, voilà. Donc. Du coup, merci Albinou pour l'invitation, ça fait super plaisir. Et moi, ça me fait très plaisir aussi. Surtout ce dernier morceau qui a un côté presque un peu antique et médiéval sur certains aspects. J'ai envie de le dédier à Orléans, puisque j'ai cette double culture en fait de la cité médiévale et en même temps le côté plus urbain, plus industriel de l'île dans mon imaginaire. Donc c'est deux villes qui m'ont nourri. Donc je suis très contente de pouvoir avoir présenté ces morceaux ce soir ici. Très bien. Donc voilà. D'autres choses de particulier non. Non. Voilà. Après tout, en tout cas. Moi, je connaissais pas la ville d'Orléans, en tout cas. Oui, merci, c'est vrai que c'est un Lillois. C'est vrai que c'est une belle ville aussi. Un pur produit lillois. Et d'accord. Ça fait vraiment plaisir de découvrir cette ville et un peu tout son côté culturel aussi qu'on connaît pas forcément. On a eu l'occasion, par exemple, de passer au Dropkick, de découvrir un peu des groupes locaux. Donc, c'est vachement cool. Et, et quelques groupes que vous avez retenus, non, de la région orléanaise? En fait, quand on est passé hier, Parisien, c'était un Parisien. Ouais. Ah, d'accord. Edgar, on a beaucoup aimé. Ouais. Edgar, ça s'appelle. Ah ouais. Et, qui était très très cool, ouais. Et en tout cas, ouais, un truc à dire. Franchement, n'hésitez pas à donner de la force aux artistes émergents parce que c'est des gens qui se donnent. C'est des gens qui ont un univers qui est très important à mettre en valeur, je pense. Et donc, allez voir des concerts, sortez. Et donner de la force à tous ces artistes. Et puis on parlait de la production, en fait, la production, c'est l'argent qu'il y a derrière, c'est le financement. Donc, si vous aimez les compositions d'un artiste, même si le mix n'est pas parfait, même si la prod n'est pas parfait, faut lui donner de la force. Parce qu'en fait, le seul truc qui l'empêche de faire quelque chose d'aussi clean, d'aussi propre que les plus grandes rockstars, c'est l'argent. Et donc, oui, tout à fait. Ouais. C'est juste ça qui fait la différence. Donc ça peut, plus il a de personnes pour lui donner de la force, plus cet artiste-là il a de chance de pouvoir un jour s'offrir et offrir à son public du coup les meilleures productions. Très bien, donc le message est passé. Et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que nous, à la fin de chaque émission, on dit toujours les mêmes choses. Allez au concert, allez applaudir les artistes, allez les soutenir. Voilà, vraiment, c'est. Et puis leur donner de la valeur parce que eux, moi j'ai vu des artistes des fois dans des scènes où il y avait beaucoup de monde et puis le lendemain ils étaient dans une scène où il y avait très peu de gens. Mais ils ont fait leur taf jusqu'au bout avec, et puis les gens qui étaient là étaient ravis. Et puis moi j'ai entendu dire souvent À la limite, qu'il soit 1000, mais qu'il soit 10, ben, on fera le travail pareil, quoi. Donc, et puis en attendant, ben, du moment qu'on a contenté les gens, il faut féliciter les gens qui vont applaudir. Et puis, c'est les remercier parce que c'est ça le plus important. Tant pis pour ceux qui sont pas là, ils ont loupé quelque chose et puis c'est tout, hein. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette émission. On va dire les phrases magiques. Une vie sans musique serait une erreur. Je pense que vous êtes d'accord. Que le rock'n'roll, c'est à goût. Et, everything is gonna be alright. Voilà, donc message d'espoir. À la fin de chaque émission, on dit ces phrases magiques, voilà, c'est une tradition. Et donc, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste un petit morceau à écouter. Alors, le morceau, c'est le dernier de l'album. Je suis en train de chercher le titre, mais peut-être que vous pouvez me le souffler. Bah, on l'a déjà joué en live, mais c'est oui, Jobless Man Blues. Jobless Man Blues. Donc, ça, c'est la version album cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Donc, la version studio, je voulais dire. C'est donc, ça. Très bien. Donc, on va se quitter avec ce morceau-là. Mais avant, je voulais remercier déjà notre ami Florent, qui aujourd'hui n'est peut-être pas là, mais habituellement, dans toutes les émissions Mavericast, c'est lui qui fait les podcasts. Donc, il enregistre chez lui et il nous les remet sur un lien où on peut le télécharger, le réécouter ou l'écouter la première fois, puisqu'il y a des gens, des fois, qui sont sortis, ils ont été applaudir des artistes, donc ils ont une excuse. Donc, s'ils n'ont pas écouté l'émission Mavericast, ils peuvent encore la réécouter derrière. On peut même la télécharger pour récupérer aussi les lives, ça c'est important, pour pouvoir les rediffuser. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. De toute façon, je vais récupérer les lives pour les rediffuser, parce que ça, c'est des versions Mavericast qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est voilà, exactement. On a des morceaux comme ça, collector. Et puis, n'hésitez pas, de toute façon, maintenant, vous rentrez dans la Mavericast Family. N'hésitez pas à nous tenir au courant si vous venez sur Orléans, si vous avez envie de revenir bah, pour le prochain EP, par exemple, pour nous le présenter. Ah, n'hésitez bah, avec pas. Plaisir. Comme avec ça, plaisir. On passera un petit moment ensemble. Et puis, voilà, c'est 3 heures, ça passe très vite. Hein. C'est pour ça que. On dépasse un petit peu. Voilà, on remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés. On remercie Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission depuis bientôt 16 ans. On remercie donc Florent pour les podcasts. Et Florent m'a dit aujourd'hui, il n'était pas sûr de pouvoir enregistrer. Alors, heureusement, bah, j'ai enregistré ici en sortie de console. Donc, il n'y a pas de souci. D'une manière ou d'une autre, on les aura. On aura le podcast et on pourra le partager dans peu de temps. C'est-à-dire que moi, je l'enregistre, je le donne à Florent. Florent, le couple, il fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut. Il le met sur un site aux États-Unis. Et nous, on a le lien et on peut te aller directement écouter ou alors télécharger le podcast. Bah, c'est voilà, top. Et puis pour les auditeurs, du coup, de notre côté qui nous suivent et qui auraient envie de réécouter ou qui n'ont pas pu être là, bah, du coup, on le mettra sur notre Linktree où on a fait un petit coin média, un petit hub média. Donc comme ça, tous les podcasts peuvent être réécoutés. D'accord, bah, super alors. Très bien. Donc j'ai vu aussi que vous avez fait d'autres radios et tout ça. Donc ouais, voilà. C'est en notre moment, troisième. Très bien, mais c'est ce qu'il faut justement. Et puis on remercie justement aussi les radios qui permettent aux artistes, parce que moi je suis pas jaloux. Hein. Les gens qui passent chez moi, s'ils passent ailleurs dans les grosses radios, au contraire, moi je suis encore plus content. Parce que nous, on est là vraiment pour faire la promotion des artistes. Et continuez à aller dans les radios, dans les télés, etc. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur et continuez à faire de la bonne musique comme ça. C'était un vrai plaisir de découvrir votre groupe. Et donc, on se dit à très bientôt. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous connaissez l'adresse. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci pour l'accueil. Voilà. Il y a quelque chose quand même que je voulais te dire. On arrive à la fin de l'émission. On a parlé tout à l'heure d'influence et tout ça. Moi, il y a deux personnes qui me sont revenues à plusieurs reprises en écoutant tes morceaux. C'est Catherine Lara. Je ne sais pas si tu aimes. Eh ben, je connais pas. Tu connais pas? Elle a, bon, c'est peut-être le piano et la voix qui le fait. Ça m'est revenu plusieurs fois. Et aussi le groupe Supertramp. Ah, Supertramp. J'en ai très peu joué, mais j'adore. Mais Supertramp, le piano. C'est Cannonball. Et aussi vos morceaux, les compositions que vous faites, là où on entend toujours le piano, parce que c'est aussi Supertramp, c'est aussi beaucoup de piano et la voix et aussi les orchestrations qui sont autour et tout ça. Et ça m'a rappelé à plusieurs, bon, je dis pas que c'est pareil, mais ça m'a rappelé un petit peu ce côté-là. Donc, si c'est des artistes que vous aimez, bah, tant mieux. En tout cas, moi, j'ai senti une petite influence, peut-être. Ah, Supertramp, ils sont super, dans le sens où ils ont fait beaucoup de prog aussi. C'est peut-être ça, c'est qu'ils sont audacieux dans leur compo. Ah oui, tout à fait. Ils sont très, très audacieux. Et c'est vrai que j'en ai très peu joué, ce qui peut être étonnant, hein, parce que, bah, j'ai limite plus joué, en fait, plus arrangé de groupes qui ont pas de piano que de groupes qui ont un piano. Ouais. Mais, j'adore. franchement, ce Bertrand, c'est bon, toujours bon, alors, un plaisir. Alors c'est un compliment, je voulais pas que vous preniez mal. Ah, je le prends très bien. Voilà, donc c'est quand même des artistes, des grands artistes que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me permets de comparer un petit peu, même si c'est pas pareil. Mais il y a des petites influences comme ça qui sont révélées, peut-être involontaires, je sais pas. Des fois, c'est possible. Ouais. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, on va souhaiter une très bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 660. Attends que je dise pas bêtise, 77, hein, 677. Et la semaine prochaine, donc, j'aurai pas d'invité, mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce que le samedi, eh ben, il y a le Maverick Alive et donc il va falloir se lever tôt pour préparer tout le concert et tout ça. Donc, n'oubliez pas, venez nous retrouver là-bas avec d'autres artistes. Venez public pour encourager justement tous les artistes qui seront sur la scène. On va passer encore un bon moment. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'invité. Par contre, on va diffuser un maximum d'enregistrements parce que tous les artistes qui passent dans mon émission sont prioritaires. Donc, on passe en priorité vos morceaux. Et à chaque fois, ça s'accumule. De temps en temps, on fait des émissions où on ne diffuse que les morceaux qu'on m'a laissés. Donc, ça nous permet de reparler des artistes qui sont déjà venus dans l'émission Mavrika. Voilà, cette émission est terminée. On écoute le dernier morceau. Et puis après, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. OK ? Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. This morning, there's a blue sky outside. In my head, a storm wind is tearing up my mind. Oh, I got plenty of things to do, but I'm still thinking of you. And I hang up in my bed, scrolling through my emails. Of white letters, no one having them on them. Taxes, bills, and shitty fines. I drove too fast again. Well, the bailiff will come soon. I stand still facing the moon. And I hang. I will have lost it all. This is the only